La ville dont le prince est un enfant. Trois actes de Henri de Monterlan. Acte premier, plus haut que la plus haute étoile. La scène représente le cabinet de Monsieur l'abbé de Prats au collège. Table chargée de papiers, de registres, de livres, avec une statuette du Sacré-Cœur et un appareil téléphonique. Au mur, un petit crucifix traversé de buis bénis, un tableau à sujet religieux, des photos d'élèves groupés, deux photos d'anciens élèves en uniforme, agrandis dans des cadres noirs avec un crêpe. Sous le crucifix, un prie-Dieu. Une bibliothèque en bois noir. Tout cela sans recherche et sans aucun style. Manifestement, indifférence totale aux choses extérieures. Une fenêtre à gauche, une seule porte à droite. L'abbé de Prats est assis à son bureau écrivant. Entrez. Soubrier entre sans que l'abbé lève la tête. Puis l'abbé lui fait signe de s'asseoir devant le bureau. Il s'assoit. Alors, je pense que je me suis fait comprendre. Je ne veux plus de cette association entre vous et Sevrais. Les amitiés sont absolument interdites entre élèves de divisions différentes. N'empêche que... il y en a bien d'autres. Et eux, on ne leur dit rien. Je n'ai pas à vous dire pour quelles raisons il nous arrive de fermer les yeux pendant plus ou moins de temps sur telle ou telle de ces amitiés. Et puis si, je vais vous le dire. Parce que j'aime parler franchement avec vous. Bien que vous ne le méritiez guère. Oui, comme j'aime vous parler autrement que je ne parle aux autres. Il n'y a rien de plus émouvant au monde que de parler avec gravité à un enfant. Pourquoi avons-nous l'air de fermer quelquefois les yeux? D'abord parce que certaines de ces amitiés ont des apparences suspectes et sont l'innocence même. Il y a des garçons qui, par genre, affichent quelque chose qui n'est pas. Coruel et Foucault. C'est cela, n'est-ce pas? Oh, moi, comment voulez-vous que je sache? Seconde raison, parce qu'il y a d'autres amitiés où nous attendons de surprendre des faits. Troisième, parce qu'il y a ici des élèves qui, plus que leurs camarades, doivent être soutenus en haut lieu. Vous êtes de ceux-là, je crois. Ce n'est un mystère pour personne au collège que je m'intéresse à vous. Et tout ce que j'essaye de faire en vous, il faudrait que cela fût défait par ce garçon que je ne connais pas. Il n'est pas de la division que je dirige. Je n'ai jamais échangé avec lui une parole. Oh! Je le connais, du moins de réputation. Sa renommée ne nous poursuit que trop. Il y en a ici auxquels il impose par ce je ne sais quoi dire régulier qu'il garde dans tout ce qu'il fait. Il est intelligent, brillant. Il passe pour aimer les sentiments honorables. Mais c'est un petit faiseur. Trop indépendant et sûr de soi. Et son père est mort. Enfant unique élevé par la mère. Tous les garçons élevés par des mères seules sont mal élevés. Vous, vous êtes le type du gosse à histoire. Du moins, jusqu'à présent, je n'avais à vous sauver que de vous-même. Maintenant, j'ai à vous sauver aussi d'un autre. D'un autre. Une compétition humiliante et grotesque. Il y a 18 mois que je connais ce vrai. Nous étions ensemble à l'école de M. Mocornet avant de venir ici. Vous ne deviez pas vous connaître beaucoup chez M. Mocornet, puisque je n'ai rien remarqué de particulier entre vous depuis un an que vous êtes tous deux ici. Et puis il y a 3 jours... Déjà, à la rentrée, ce vrai a été mis en vedette. Il était le seul à avoir passé son premier bac avec la mention bien. Ses devoirs de philo étaient recopiés au livre d'honneur. On le nommait de l'académie. Mais le bouquet, ça a été lui donner il y a 3 semaines ce rôle de Pyrrhus dans Andromaque pour notre séance de Pâques. Qu'est-ce que l'on dit parmi vos camarades de la séance d'Andromaque? Il n'y a pas de plaisanterie sur le choix de cette pièce? Non. Allô? Vous direz que M. l'abbé de Prats n'est pas là, qu'il est sorti. Enfin, monsieur l'abbé, si vous vouliez que nous rompions, vous pouviez le dire à chacun de nous en particulier. sans faire un scandale du haut de votre chair devant toute la division, en nous désignant par nos noms. Si vous croyez que c'est drôle, pour moi, avec les autres qui chuchotent ou qui rigolent, il y en a qui me disent « t'as pas honte ?» Ensuite, ils vont le répéter à leur famille. J'ai agi ainsi parce qu'il fallait couper le mal à sa racine. Maintenant, il vous est impossible de continuer. Deux divisions ont les yeux fixés sur vous. Par exemple, je n'ignore pas que vous avez rencontré Sevray dans le hall. Oh, un instant seulement, à la sortie des externes hier soir. Et c'était pour vous dire quoi ? Rien. Bien entendu. C'est sans doute pourquoi vous rougissez si fort. Mais vous ne m'échappez plus à présent. Je comprends vos silences, j'entre dans vos mystères, je sais ce que me cachent les murs derrière lesquels vous disparaissez. Qu'est-ce qui vous cache ? Je ne sais. Eh bien, mon ami, je vous avertis que maintenant ce petit jeu en est à sa fin et que nous allons vous tenir court. Tout le monde vient se plaindre de vous. Les professeurs, les surveillants, vos camarades, les parents. Des parents sont venus me dire « D'où sort-il celui-là ?» Votre père m'a dit « Mon pire ennemi ne me causerait pas plus d'embêtement que mon fils. » Il pleurait presque. Et je suis là, moi, seul, à essayer de vous soutenir contre tous et contre vous. Soubriet tripote un objet sur la table de l'abbé. En un an, vous avez été à deux reprises sur la liste des élèves à renvoyer et deux fois, j'ai obtenu de monsieur le supérieur que votre nom fût effacé. Je me rends presque ridicule à force d'intervenir sans cesse pour vous auprès de celui-ci et de celui-là. Seulement, on soutient, et puis une heure vient où soit aussi. Vous écoutez ce que je vous dis ? Mais oui, monsieur l'abbé. Alors répétez. Vous dites que j'ai tout dissipé à la chapelle. Non, je n'ai pas parlé de cela. Allons, relevez la tête. Toujours vos deux visages. Le visage vivant, joyeux, hilar que vous avez avec vos camarades, avec n'importe lequel de vos camarades. Et votre autre visage, celui que vous avez avec moi. Avec moi, vous n'êtes pas une présence, vous êtes une absence. Je suis fatigué de vous, Soubriet. Affreusement fatigué de vous. Vous êtes une âme pénible. Cruelle. Et d'autant plus cruelle qu'elle est plus faible. Vous êtes pesant. On dirait que toute la division ne peut pas arriver à décoller de terre à cause de vous seul, mon pauvre petit. Pourquoi dites-vous pauvre ? Je suis pas à plaindre. Orgueilleuse petite âme d'esclave que vous êtes, avec vos points d'honneur toujours si mal placés. Pas à plaindre. Sachez qu'il y a des moments où je me demande si vous valez tout le mal que je me donne pour vous. Si dans mon amitié pour vous, je n'ai pas eu un rôle de dupe. Monsieur l'abbé, je vous promets cette fois pour de bon... Vous promesse. Cette chambre-ci, on pourrait l'appeler la chambre des promesses. Sur cette chaise où vous êtes, toujours les mêmes mots, toujours les mêmes gestes, toujours les mêmes larmes de génération en génération, chez des petits bonshommes dont chacun se croyait un être à part. Je suis fatigué aussi de vos promesses. Allô ? Vous direz que M. l'abbé de Prats est en conférence avec M. le supérieur et ne peut pas être dérangé en ce moment. Vous m'avez dit un jour... À quoi ça sert, les parents ? Ah oui, ça sert à ce qu'on leur mente. Vous voyez ? Il n'y a pas que les parents. Remarquez que c'était un coup de téléphone qui avait de l'importance. Mais il n'y a rien qui ait plus d'importance que mes élèves. Où en étions-nous ? Ah oui, je vous disais, je crois que je suis fatigué de vos promesses. Oh, je sais, pendant deux jours, vous faites un petit effort... Il y a un jeu auquel vous voulez bien ne pas bouder. Vous vous tenez à peu près convenablement au réfectoire, et puis de nouveau, tout se relâche. Vous recommencez à être insolent, chahuteur, menteur, à dégringoler avec une monstrueuse insouciance. Tout à vos lots, votre corps et votre âme. Et je finis par me dire, à quoi bon lier ce qui de toute façon un jour sera délié ? Les autres fois, j'avais seulement promis, mais cette fois, c'est juré. Oh, vous dites ça, mais je sais bien que... Oh, alors si vous savez bien... Non, non, mon petit. Il ne faut pas que vous croyiez que ce que vous dites est sans valeur pour moi. Je vous ai dit que je vous abandonnais, mais vous savez bien que ça n'est pas vrai. J'ai beaucoup pensé à vous ces jours-ci encore. Comme en juin dernier, quand mon vieux père était à l'agonie, qu'on voulait vous renvoyer, et que c'était à vous surtout que je pensais, même en ce moment-là. Je vous l'ai dit alors. Vous vous souvenez? Non. Vous ne vous souvenez pas. Moi qui suis si curieux de tout ce qui vous concerne, et vous qui ne m'avez jamais posé une question sur moi-même, sur ma vie, sur ma famille. Je veux pas être indiscret. Dites surtout que vous vous en fichez. Eh bien, ces jours-ci, quand je pensais à vous, je me disais que je vous comprenais comme si vous étiez mon enfant. Ou plutôt, à en juger par mon expérience des relations entre père et fils, beaucoup mieux sans doute que si vous étiez mon enfant. Si, avec mon père à moi pour me comprendre. Oui, je sais. Mais Dieu a créé des hommes avec une sorte d'amour qui est plus que l'amour des pères pour des enfants qui ne sont pas les leurs et qui sont mal aimés. Et il se trouve que vous êtes tombé sur un de ces hommes-là. Pourquoi seriez-vous? Est-ce que vraiment vous trouvez qu'il y a dans ce que je vous dis quelque chose de risible? Mais je ne souris pas. Si. Vous avez eu un de ces petits sourires. Je souris malgré moi, mais c'était pour une bêtise. Pourquoi? Je vous en prie. Une minute de sincérité, une minute de confiance. La confiance, c'est déjà beaucoup quand on ne peut pas obtenir davantage. Je souris parce que vous faisiez des dessins sur votre buvard. Je faisais des dessins sur mon buvard parce que je pensais à vous. Allons, mon petit enfant, il est temps que vous retourniez en études. Il ne faut quand même pas que vos études se passent à ce que nous bavardions ensemble. Ça va à peu près, le travail? Oh, ce soir, il y a mon devoir d'allemand. Laissez-le ce soir. Et demain, en études, j'irai voir un peu avec vous ce devoir d'allemand. Et à la scola, ça ne va pas fort, hein? Vous avez une jolie voix et vous arrivez à gâcher même cela par votre attitude dans la maîtrise. Pareil qu'hier encore, vous avez répondu à M. Thirion avec une grossièreté. Ça vous coûte donc beaucoup d'être poli avec vos professeurs? Oui, ça me coûte beaucoup. Une dernière question. Je voudrais savoir comment diable vous arrivez à vous mettre de l'encre sur les jambes. C'est pas moi, c'est Simono. Et vos mains? Toujours vos petites pattes chaudes et sales. Des encres de toutes les couleurs, une palette. Vous allez vous laver les jambes et les mains à la fontaine avant de rentrer en études. Je ne veux pas qu'on vous voie comme cela. Est-ce que votre mouchoir est propre? Ou pas trop. Soubrier sort le mouchoir et dans ce geste fait tomber des billes de sa poche. Il a un mouvement de la tête, de lassitude, et les ramasse avec nonchalance. L'abbé prend le mouchoir et le tient un instant dans le creux de sa main. Plein d'encre de stylo, bien entendu. Attendez, j'ai ici du linge des internes. Voici un mouchoir propre. Vous me le rendrez à la sortie de l'étude. Mais ne dites à personne que je vous ai prêté un mouchoir d'un de vos camarades, ça ferait encore des histoires. Non, non. Merci, monsieur l'abbé. Vous ne suez pas trop avec ce chandail? J'ai remarqué qu'aux premières chaleurs, les enfants suent sous le chandail de l'hiver pas encore enlevé. Et alors c'est le rhume. Le rhume refrainé tout l'hiver. Oh non, monsieur l'abbé, je ne suis pas trop. Et ne buvez pas des litres à la fontaine. À quelques moments qu'on lève les yeux dans ce collège, on voit un garçon qui est à boire à la fontaine. Vous êtes comme de jeunes fans dans la forêt. J'ai jamais connu un collège si altéré. C'est nos études qui nous donnent soif. Moi, toujours avoir peur pour vous. Pour vous, pour qui vos parents n'ont pas peur. Peur quand le temps fraîchit trop vite, peur quand vous passez vos examens. Et vous qui répondez si mal. Quelquefois, en études, en cours, oh, c'est un petit jeu, rien de plus. Je m'amuse à suivre vos regards, à voir s'ils ne s'arrêteront pas sur moi. Et ils ne s'arrêtent jamais sur moi. Sur moi, jamais. Dimanche, vous êtes parti sans me serrer la main. Hier, de toute la journée, vous ne m'avez pas adressé la parole. À quel point vous pouvez vous passer de moi ? Mais monsieur l'abbé, c'est vous qui m'avez dit plusieurs fois, faites attention à cause des autres. Ne venez pas me voir trop souvent en cours. Ne m'interpellez pas tout le temps comme vous le faites au réfectoire. Parlez de moi le moins possible avec vos camarades. Oui, c'est vrai, je vous ai dit tout cela, mais... Mais vous trouvez que j'en fais trop ? Oui, un peu trop. Ah non, j'aime votre présence et vous n'aimez pas la mienne, quoi de plus normal. Cela m'aurait fait plaisir de compter un peu pour vous. Mais vous êtes un petit oiseau, vous êtes tout le temps en train de vous envoler. Eh bien, restez tel que vous êtes, je ne vous en veux pas. Il faut prendre les garçons comme la nature les a faits. Et aussi oublier ce que je viens de vous dire, n'est-ce pas ? Pourquoi l'oublier ? Il y a des moments où je voudrais savoir ce que vous pensez de moi. Comment vous me jugez ? Savoir tout ce qui travaille dans votre caboche une fois que vous vous êtes envolé. Si cela travaille contre moi ou en ma faveur. Mais monsieur l'abbé, en votre faveur ? Alors tout va bien. Allez, maintenant filez. Allez, au galop. Soubrier sort. Allô, allô. Donnez-moi M. Brial. M. Brial, Soubrier sort de chez moi à l'instant. Je l'ai envoyé se débarbouiller à la fontaine. Il devrait être rentré en étude dans 5-6 minutes au plus tard. Vous noterez exactement, je vous prie, l'heure à laquelle il est rentré. Merci. Entrez. Tiens, vous, c'est vrai. Je vois ce qui vous amène. Monsieur l'abbé, je ne peux pas supporter que vous jugiez que mon influence sur Soubrier contrarie la vôtre. Je sais que vous vous intéressez particulièrement à lui. Je m'occupe de Soubrier parce qu'il est de ma division, et c'est tout. Si vous jugez que mon influence sur lui n'est pas bonne, si je suis la pierre sur laquelle il achoppe, dites-le-moi. Je suis prêt à rompre avec lui. D'ailleurs, même si cette influence n'est pas mauvaise, cela fait trop d'influence. Chacun de nous le tire de son côté, j'ai peur que sans le vouloir, nous lui fassions tous du mal. Et puis, je lui prends peut-être du temps dans son travail. Je suis venu vous offrir de me retirer. Quelle que soit là-dessus votre réponse, je suis venu aussi vous demander si vous voulez bien être dorénavant mon confesseur. Asseyez-vous. Voyons, serrions un peu les questions. Qui est votre confesseur ici ? Je n'ai pas de confesseur au collège. Je me confesse à un prêtre de la paroisse. Nous connaissons cela, qui n'est pas bon signe. Mais cela va avec le reste. Personne n'ignore que vous êtes le seul élève de votre division à être externe libre. Libre. Se lier le moins possible, faire à sa tête. Monsieur l'abbé, ça c'est ma mère qui a voulu. Moi, même il y a des jours où si j'avais pu être interne... Non, vous savez bien qu'ici on ne tient pas à avoir des externes libres. Et moins encore à ce que nos élèves se confessent à des prêtres du dehors. Je pense que, sauf dans des circonstances exceptionnelles comme est celle-ci, les plus grands religieux devaient se confesser à quelques prêtres bien simples. Sans doute avez-vous lu cela quelque part. Oui. Parce que l'expérience religieuse n'est pas, je crois, votre fort. Il y a eu un certain zéro d'instruction religieuse qui a fait du bruit. Je ne peux pas dire que je sois pieux, mais j'ai la foi. Dans le milieu qui est le vôtre, qui n'a pas la foi à votre âge. Quoi qu'il en soit, on a déjà dû vous dire qu'il serait souhaitable que vous eussiez un confesseur ici. Mais il n'est pas souhaitable que ce confesseur soit moi. Venant après la charge que j'ai faite contre vous hier soir, cette volte provoquerait des curiosités inutiles. Vous vous offrez aussi à rompre avec Soubrier. Si c'est pour nous mettre à l'aise, vous savez que nous sommes faits pour n'être pas à l'aise. Mais si cette solution vous paraît la meilleure, je vous dirai que c'est bien mon avis. Vous a-t-il parlé de moi? Que pense-t-il de moi? Il ne m'a jamais dit que du bien de vous, monsieur l'abbé. Mais encore, que vous a-t-il dit? Vous savez, moi, je ne me souviens pas au juste. Bon, vous ne voulez rien dire. Il y a longtemps que vous aviez cette association avec lui? Depuis le 14 janvier. Depuis le 14 janvier? Et nous sommes à la fin de mars. Eh ben, je vous fais mes compliments. Vous avez bien caché votre jeu. Nous n'avons pas caché notre jeu, monsieur l'abbé. C'était une question de tenue. Ah, une question de tenue. Vous avez dissimulé tous les deux à merveille. Comme dissimulent les gosses, qui dissimulent aussi bien que les femmes. Sinon mieux. Car enfin, il n'y a pas plus de 3 jours que j'ai découvert votre affaire. C'est inouï. Vous promettez peut-être de bonne foi, mais je ne crois plus aux promesses. Les promesses me donnent de cafards. Et précisément, je disais cela à Soubrier tout à l'heure. Vous avez commencé, vous continuerez. Si j'avais pu faire autrement... J'ai horreur du clandestin. Vous en avez horreur et un jour vous ne pourrez plus vous en passer. Le goût vous en sera venu sans que vous y preniez garde. Il n'y a pas que le clandestin. Il fallait aussi feindre l'indifférence. À la longue, c'est épuisant. À ce point? Durcir son regard, ou l'écarter de force d'un visage, rendre sèche sa voix, se retenir de trembler quand quelqu'un vient s'asseoir à côté de vous. Je vois que vous êtes un émotif. À propos, il a dû y avoir quelque chose de très sensationnel dans cette journée du 14 janvier pour que vous vous souveniez si bien de la date. Il y avait eu un malentendu entre nous. Ce jour-là, il m'a dit « Je sais bien que tu te fiches de moi. » Je lui ai répondu « Non, je ne me fiche pas de toi. » Et c'est tout? Oui, c'est tout. Vous avez bien dû vous donner des gages d'amitié éternelle. Nous avons seulement échangé nos stylos. Et depuis ce temps-là, bien entendu, des rendez-vous, des petits cadeaux, des billets surtout, des billets, puisque vous êtes externe libre et que lui est pensionnaire. Ne me poussez pas à mentir. Des lettres longues de vous, courtes de lui, toujours avec la mention « à brûler » et toujours datées de minuit, enfin du moins les vôtres. Vous les avez vues? Non mais est-ce que par hasard vous vous croyez original? Donc des rendez-vous, des billets et des cadeaux. Des rendez-vous et des billets, mais pas de cadeaux. Par principe? Quand je lui ai parlé de lui faire un petit cadeau, il m'a dit « oh non ». Un cadeau, ça me rappellerait mes parents. Et puis, il m'a dit que un cadeau d'un grand, ce serait mauvais genre. Et puis que ça me ferait dépenser mes sous. C'est sans doute la dernière fois de votre vie que vous aurez une liaison aussi désintéressée. J'avoue que j'aurais cru Soubrier moins limpide. Ainsi, lorsque je vous ai demandé la date où il s'est rapproché de vous, j'étais curieux de savoir si elle ne correspondrait pas à celle de votre entrée à l'Académie. Il aurait pu vouloir être nommé aspirant à l'Académie, et votre appui lui était alors utile. Mais en janvier, vous n'étiez pas encore académicien. Soubrier se fiche royalement de l'Académie. Il est vaniteux. Et la comédie de la spontanéité est des plus familières aux enfants. Je vois que vous ne connaissez pas toutes les règles de la maison. Que voulez-vous dire? Il est de règle ici qu'un petit, autant que possible, ne doit pas se lier avec un grand qui est une situation trop importante. Parce qu'il aurait l'air d'y mettre du calcul. Quand j'étais nommé de l'Académie, Soubrier était vexé. Votre division, ou plutôt votre clan, ferait bien de porter ses raffinements dans d'autres objets que les histoires de gosses. Quoi qu'il en soit, dans la question des cadeaux, la réaction de Soubrier a été bonne. Vous aussi. Que votre réaction après ma mercuriale soit d'être venu me voir est une réaction saine. Est-ce que vous en aviez parlé à votre mère? Non. Il vaut mieux que vous ne parliez pas de ces histoires de collège à votre mère. Les parents et le collège, ce sont deux mondes bien distincts et il n'y a pas intérêt à les mêler. Votre démarche me fait un peu penser, toute proportion gardée, à Sainte Thérèse d'Avila qui allait se confesser de préférence à ceux des religieux qui étaient de ses adversaires. Ah ? Moi, j'avais songé plutôt à Catilina. À Catilina ? Quand il va demander asile à Cicéron, son accusateur. Décidément. Je vois que l'histoire nous en veut et ne nous lâchera pas. Je ne voudrais pas que vous continuiez de dissimuler, comme vous seriez peut-être tenté de le faire. Il y a aussi de la loyauté en vous. Votre présence ici le prouve. Dans ces conditions, l'alliance serait peut-être plus heureuse que la guerre. Des circonstances se présentent quelquefois où nous devons accepter de bon cœur le risque d'être trompés. Je veux dire, où cela est préférable à donner l'impression que nous avons l'obsession du mal. Il n'est pas impossible que je mise sur votre loyauté. Il n'est pas impossible que je vous permette de continuer à voir soubriller, mais avec votre promesse solennelle... Encore une, c'était bien la peine. Avec votre promesse solennelle que vos relations seront désormais irréprochables. Monsieur l'abbé, je vous donne cette promesse solennelle. Ce petit soubrier, ah, qu'il y aurait à faire en lui. Je peux dire que depuis un an, il nous a donné de l'exercice. Tant au point de vue travail, zéro, qu'au point de vue conduite. Il lui est arrivé d'avoir un 5 sur 20 de conduite, ce qui ne s'était jamais vu dans la division. Il a été deux fois sur la liste des élèves à renvoyer et deux fois, monsieur le supérieur a cédé à mes instances et a renoncé à ce renvoi. Oui. Je sais qui on a renvoyé à sa place. Comment ? Vous avez dit à monsieur le supérieur, donnez-moi soubrier, je vous donnerai Tréhard. Dans les listes de proscription, c'est comme ça que ça se passe. César et Pompée... Ce que vous dites est ridicule. Et vous n'en sentez même pas l'inconvenance. L'insolence inconsciente est le propre des petits jeunes gens et un de leurs traits les plus disgracieux. Nous n'avons pas renvoyé Soubrier parce que ce gosse nous intéresse. Dans le bien et dans le mal, il est vivant. Et c'est beaucoup. Vivant et attachant. Et attachant en cela même où il déçoit. Ou peut-être me suis-je fixé davantage sur celui qui résistait davantage, ne fût-ce que par son inertie. Malgré tout... Par sursaut, il fait des efforts. Regardez-moi ce que c'est, ce petit-là. Pas de volonté, pas de principe. Des impressions, le cœur brouillé, un chantier où il y a de tout en vrac. Pour quelques bonnes pierres de taille, un amas de ferraille, de torchis, de détritus, de toutes sortes. Beaucoup de choses du côté de l'intelligence. Et assez du côté du cœur. Mais troublant. Une âme douteuse qu'il est dangereux de tripoter. Il est tombé d'une chute incroyable... et avec une parfaite insouciance dont il ne se rendra peut-être compte que sur son lit de mort. Dans un an, s'il ne se ressaisit pas, une âme à l'eau. Il mérite beaucoup de pitié. Mais il n'est pas si mauvais que cela. Je ne lui ai jamais rien vu faire de vraiment mal. Il ne se moque jamais des choses religieuses. Comme font certaines saintes Nitouches, qui sont de la congrégation, et qui pourtant... Il m'a dit qu'il a fait une très bonne première communion. Qu'on croyait qu'il la ferait mauvaise, et qu'il l'a faite très bonne. Bien mieux, un jour, chez M. Maucornet, je lui soufflais. Puis j'ai été me confesser, je communiais le lendemain. Quand je suis revenu, il m'a dit, « Maintenant, tu ne peux plus me souffler, puisque tu t'es confessé. » Et il ne copie jamais ses compositions, tandis qu'il y en a d'autres. Il est plus coté. Oui, il a des délicatesses morales inattendues. Même à l'occasion de la générosité. En juin dernier, à la promenade de Robinson, quand il a prêté son âne à Trichet. Il pleure facilement et semble aimer pleurer. On jurerait quelquefois qu'il aime aussi rougir. Et puis, il redevient grossier, querelleur, brutal avec ses camarades. Il rage et alors il les tuerait. Cette violence, d'ailleurs, n'est pas pour me déplaire. Lui que j'ai toujours vu si doux avec moi. Je vous ai dit attachant, mais aussi un peu accablant. Vous n'êtes jamais fatigué de lui? Non. Jamais. Je connais sa famille. Une mère bécasse, une sœur aînée peu recommandable, un père qui n'a le temps que de gagner de l'argent pour faire marcher la roulotte. Pas de tradition, pas de culture. Il n'a rien à attendre de son foyer, au contraire. Tout ce qui l'en éloigne est une bonne action. Si vous voulez entreprendre de lui faire un peu de bien, quelque assistance que ce soit est acceptée. Je ne vous dis pas avec plaisir. Vous ne seriez pas là comme un fait acquis, nous n'irions pas vous chercher. Et votre influence et votre responsabilité qui sont énormes dans ce collège, ce feu de projecteur toujours braqué sur vous, ces murmures qui vous suivent dans tout ce que vous faites, ne facilitent pas notre tâche. Mais vous êtes là, vous avez de l'attachement pour lui. Lui, il a peut-être pour vous une certaine amitié. Enfin, les choses en sont, vous savez, et puisque vous voici, soit, nous vous accueillons, c'est une chance à tenter. S'il a peut-être pour moi une certaine amitié, j'espère qu'il ne se lassera pas de moi après 8 jours, maintenant que nous serons devenus plus sérieux. Oh, il restera avec vous par amour propre. Vous ne le connaissez pas. Il voudra tenir comme une performance sportive. Cela ne se fera pas sans que vous souffriez, je vous en avertis. Vous connaissez la règle avec les gosses. Gentil d'abord et ensuite de plus en plus désagréable à mesure qu'on en fait davantage pour eux. Vous, du moins, vous pouvez l'intéresser, l'amuser, le retenir. Vous avez tous les atouts en main. Nous autres, leurs prêtres, pourquoi nos enfants nous aimeraient-ils? De quel droit leur imposerions-nous d'avoir confiance en nous? Nous sommes forcés de les faire marcher droit. Nous avons à nous donner à eux, ils n'ont pas à se donner à nous. Ils n'ont pas été mis au collège pour nous rendre heureux, mais pour être formés, et en partie à nos dépens. Il est inévitable et bienfaisant pour nous qu'ils nous meurtrissent. Nous sommes comme leur mère, nous ne pouvons pas les créer si nous ne souffrons pas. De tout ce que je vous dis là, puisque vous allez vous charger un peu de lui, prenez quelque chose pour vous. Oui, monsieur l'abbé, je vous ai compris. Vous pouvez lui dire, ici même, dans mon bureau, tout de suite, la nouvelle orientation que vous donnez à vos rapports. Je vais le faire appeler, je vous laisserai seul quelques instants. Votre résolution en prendra un caractère un peu solennel qu'il frappera. Je vous remercie beaucoup, monsieur l'abbé. Vous êtes chic. Veuillez noter pour mémoire que je suis peut-être chic à mes airs, mais que je ne suis pas ce qu'on appelle un bon type. Faites toujours les nuances. Je fais toujours les nuances. Par exemple, entre tenue et hypocrisie. Allô, allô. Donnez-moi M. Prial. M. Prial, soubrier est rentré en étude. Alors, voulez-vous me l'envoyer immédiatement? Seulement, sachez que si votre influence sur lui n'est pas nettement et uniquement bonne, je crois que le seul fait d'être lié avec un grand est mauvais pour lui. Il est surtout faible. Il lui faut beaucoup d'affection, dont son âme est digne. Et surtout la fermeté énergique de quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Pas de défaillance, s'il vous plaît. Le chirurgien ne doit pas s'évanouir pendant l'opération. Si vous vous sentez cette force, allez-y. Naturellement, c'est une aventure. Mais quoi, on s'embarque bien sur l'eau et sur l'air, c'est aussi risqué que de s'embarquer sur un gosse. Agissez par l'exemple plutôt qu'en faisant de la morale. Pas trop de paroles, si vous le pouvez. Je dis si vous le pouvez parce que vous êtes un littéraire. Et avec les littéraires, il faut toujours se méfier. Quand vous croirez avoir quelque chose à me dire, venez me voir. Les élèves se connaissent autrement mieux entre eux que nous ne les connaissons par la confession. Je serai toujours là pour vous. Vous n'aurez qu'à frapper. Et si par hasard vous trouvez une dame en visite chez moi, entrez carrément. Ce sera une mère d'élèves, vous la ferez partir. D'ailleurs, il est question que les préfets reçoivent désormais les parents au parloir afin d'éviter que ceux-ci ne circulent dans le collège où ça n'est pas leur place, c'est ce qui ne va pas sans inconvénient. Merci encore, monsieur l'abbé. Merci pour tout. et aussi d'être ce que vous êtes, de quelque nom que vous l'appeliez. Oh, vous savez, ce que nous sommes. Soubrier entre. Quand il entre, Sevrai se lève, comme par un mouvement de respect. Oui, Soubrier. Sevrai est ici. Il a à vous parler. Je vous laisse, j'ai affaire à la questure, je serai revenu d'ailleurs dans 5 minutes. Soubrier tortille un bout de ficelle comme un tout petit môme. Oui. C'est étrange, n'est-ce pas? Chez Maucorner, nous aurait fichu à la porte de l'école. Ici, on nous ménage un rendez-vous. Comme ils sont fins. Ah, avec eux, on peut vivre. Et comme il m'a parlé de toi. Quand je pense que c'est l'homme qui, hier soir, nous accablait devant toute la division. Je t'assure, je suis bouleversé. Enfin, que s'est-il passé? Il s'est passé que je ne veux plus faire de choses clandestines. Et je ne veux pas tromper de Prats, qui cherche à te rendre meilleur. J'ai eu des torts envers toi, paraît-il. Si j'en ai eu, ils me font plus de mal qu'ils ne t'en ont jamais fait, mais qu'ils t'en aient fait un peu. C'est trop. D'abord, j'ai décidé que j'allais changer ma façon d'être avec toi. Que nous serions maintenant très sérieux. Ensuite, j'ai décidé d'aller voir de Prats, de lui dire ce changement, et de lui demander d'être mon confesseur. Pour le confesseur, il a refusé. Mais pour le changement, il est d'accord. Autrement dit, on reste ensemble, au vu et au su de tous. Seulement, on est sérieux. Et hier soir, dans le hall, tu te souviens de ce que tu me disais? Oui, je me souviens. Non, mais tu te souviens vraiment? Oui. Je t'ai demandé après l'algarade de Lepras, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu as répondu, moi je continue, et moi alors j'ai dit, moi, même si je n'en avais pas envie, je continuerai parce qu'on nous le défend. Et ensuite, j'ai changé. J'ai pensé que j'avais été pour toi une occasion de désordre. Je me suis dit, il se perd, et il se perd par ma faute. Maintenant, j'ai retrouvé la partie bonne de moi. Maintenant, je sais ce qui est la vérité. Je veux dire, la vérité pour toi et pour moi. Je me suis réveillé la nuit dernière, au milieu de la nuit, et j'ai trouvé cela. Ça a été comme si j'avais dégagé des broussailles et au-dessous, vous trouvez un puits. Je ne sais pas ce qu'il y aura entre nous dans l'avenir, mais ce moment-là, c'est inoubliable. Avoue quand même que toute cette histoire t'a refroidi. Mais pas du tout! Tu ne comprends pas, toujours des malentendus. Tu crois que je suis refroidi à ton égard au moment même où je te donne cette preuve énorme d'amitié de faire certains sacrifices parce que je pense qu'il est bon pour toi de changer de voie. Crois-tu que je ne sache pas ce que je sacrifie? Enfin, t'as peut-être raison, ça doit être mieux ainsi. Et puis surtout, si ça te fait plaisir... Me fait plaisir est une façon de parler. Je crois que c'est ce qui est le mieux pour toi, et aussi pour moi. Alors si tu crois que c'est ce qui est le mieux, moi je serai avec toi comme tu voudras que je sois. Sevrai prend doucement des doigts de Soubrier le bout de ficelle, Soubrier paraissant inconscient de ce geste, et le garde dans une de ses mains, mais sans jouer avec. À présent, tu vas voir comme tout va changer. Ce sera une vie nouvelle, une sorte de fraternité d'armes, comme du temps de la chevalerie. Et puis ce soulagement de ne plus se sentir traqué et de ne plus mentir. Quand il pleuvait, je songeais, maintenant il entend la pluie. Mais aussi, chaque fois que nous venions de nous quitter à la porte de ta maison, je songeais, maintenant il est en train de mentir. Et j'ai toujours eu trop d'estime pour toi, pour aimer te faire mentir. Ça, tu sais, mes parents mentent eux aussi quand ils veulent me faire avouer quelque chose. Laisse tes parents mentir, et nous ne mentons plus. Oui. Si tous les autres à la boîte pouvaient en faire autant. Dimanche matin, je te parlerai de notre nouvelle vie. Depuis que j'ai pris cette décision, j'ai tant de choses à te dire. Pas dimanche, je suis collé. Encore? Pourquoi? J'ai fait du chahut à la gym. J'aime faire du chahut à la gym. Oh, ce que tu es embêtant. C'est ma faute à moi si je suis collé. Non, c'est la mienne. Écoute, je ne peux pas attendre l'autre dimanche. 8 jours, ce n'est pas possible. Viens demain à l'Arcère, à 5h moins le quart, au début de l'étude. Tu diras à ton surveillant que tu as une répétition de la scola. Moi, je répète Andromaque à 3h, je me rendrai libre pour 4h30 et t'attendrai à l'Arcère. J'ai la clé puisque je vends le chocolat à la récré. Je dirai que j'ai les comptes du chocolat à y faire. J'ai tout un plan de ce que maintenant tu dois être, de ce que nous devons être. Mais je n'y ai pas encore mis de l'ordre. J'y réfléchirai ce soir dans mon lit et je t'expliquerai ça demain. Tu prétends que tu avais sur moi une mauvaise influence et tu veux changer. Mais tu me pousses à venir à l'Arcère pendant l'étude en racontant une blague à Prial. Mais ça n'a aucune importance. Puisque Doprat s'est permis que nous nous voyons, nous a laissés ensemble dans son propre bureau. Et puisque je ne te verrai demain que pour te parler de notre nouvelle ligne de conduite. On veut que j'aie de l'influence sur toi. C'est admettre que nous nous verrons autrement qu'une heure le dimanche matin à la sortie. Ce n'est pas en te voyant une heure par semaine que je peux quelque chose sur toi. Et quand je dis une heure par semaine, comme tu es toujours collé... Alors, entendu, demain, 5h moins le quart? Oui, entendu. Tiens, ta ficelle. Entre le surveillant, monsieur Habert. Comment? Vous? Ici? Avec Soubrier? Chez monsieur le préfet? Eh bien, voilà qui est fort. Monsieur, c'est monsieur l'abbé de Prats qui nous a laissé ici seul exprès. Il doit revenir dans un instant, il vous le dira. C'est ce que nous allons voir. L'abbé de Prats entre. Monsieur l'abbé, je trouve ces deux garçons ici. Oui, monsieur l'abbé, ne vous troublez pas, je vous expliquerai. L'abbé fait signe aux deux garçons de se retirer. Sevrais est venu spontanément me parler. Il m'a donné sa promesse qu'il allait changer de genre avec Soubrier. J'ai résolu de lui faire confiance et de leur laisser un peu la bride sur le cou. Ou du moins, à titre d'essai. J'aime encore mieux cela que de les sentir qu'ils dissimulent. Il paraît que cela durait depuis longtemps. Et j'avoue que je n'avais rien remarqué. Je visitais souvent et avec beaucoup d'attention le pupitre de Soubrier. Aussi ses vêtements, la nuit, au dortoir. Pas de billets, rien de suspect. Oh, évidemment, je n'aime pas ces méthodes. Nous y sommes pourtant non dans notre droit, mais dans notre devoir le plus strict. Soubrier est interne, nous remplaçons sa famille. Enfin, monsieur l'abbé, si je retrouve Sevrais et Soubrier à l'écart, comme ici aujourd'hui, je devrais, je pense, vous en avertir. Bien entendu. Même si dans leur attitude, je ne vois rien que de correct. Tenez-moi au courant de tout ce qui les touche. Surveillez leur allure générale. Faites-les surveiller discrètement par Boussard. C'est un garçon sûr. Il espère d'ailleurs l'académie. Tout cela sera d'autant moins difficile que maintenant, ils ne vont plus se cacher. Maintenant, nous les avons bien en main. C'est beau, la confiance. Mais ne craignez-vous pas qu'ils en abusent? On ne peut pas savoir. Oui, il est possible qu'ils en abusent. Monsieur Habert se retire. Et le rideau tombe. Deuxième acte, la resserre. Le lendemain, l'intérieur d'une assez vaste cabane située dans la cour de récréation. Elle sert de resserre aux objets des jeux. Échasses, crosses de hockey, ballons de football, poteaux de but, boucliers, qu'on voit rangés à terre le long des murs. Des caisses, une toute petite table, pas de chaise. À gauche, fenêtre de petite dimension à hauteur de visage, donnant sur la cour, avec un rideau. À droite, porte donnant également sur la cour. Cette porte est ouverte. Henriet, élève de philosophie, et monsieur Habert sont en scène. Sevrais par-ci, Sevrais par-là. On n'entend parler que de lui. Pour le bien et pour le mal. Vous savez sans doute que M. de Prats a annoncé hier soir à la causerie 24 heures après avoir lancé la bombe contre sa liaison avec Soubrier, que cette liaison était permise et quasiment exemplaire. Soubrier officiel. On aura tout vu. Il paraît que Sevray lui avait demandé dans l'après-midi s'il acceptait de devenir son confesseur et avait même offert de rompre avec Soubrier. Cela a retourné la situation. Il lui a fait le coup de la confiance, de sorte que l'abbé, pour n'être pas en reste, se croit obligé de jouer lui aussi la carte confiance. Je ne crois pas que les choses se présentent tout à fait comme vous les voyez. Au fond, ce n'est peut-être pas si malin. Déjà, les types disent, pourquoi cela aurait-il permis à eux, et pas à nous, et à Soubrier, un gars qui déjà ne devait qu'au chouchoutage, de n'avoir pas été renvoyé plusieurs fois. Mais c'est bien ça. Il est certain que l'association Sevray-Soubrier a quelque chose d'incroyable. Surtout quand on la rend officielle. L'as du collège est son élève le plus décrié. Je me demande pourquoi Sevray a été choisir ce garnement. Peut-être par paradoxe, pour étonner. Au fond, Monsieur de Prades est bien content que Soubrier soit un peu tête de turc. Cela lui permet de s'attendrir. Et plus il s'attendrit et s'y plaît, plus il voit en lui une victime. Il paraît que les parents de Soubrier ont toujours une ardoise au collège, toujours en retard pour payer. C'est l'abbé de Prades qui a obtenu du supérieur qu'on lui donne des répétitions de chant à l'œil. Sevray d'abord, Monsieur de Prades ensuite. On manœuvrait de telle sorte que Sevray se trouve, selon moi, dans une position bien plus difficile qu'auparavant. Je ne sais si je devrais m'expliquer. Cela pourrait rendre service à votre camarade. Mais de ma part, c'est délicat. D'ailleurs, je me trompe peut-être. Que voulez-vous dire ? Monsieur de Prades est quelqu'un de remarquable. Un des deux hommes remarquables du collège, avec Monsieur le supérieur. Mais c'est un homme passionné. Il est vrai que l'éducation est une passion. Surtout quand c'est l'éducation de Soubrier. Oh, personne ne met en doute que M. de Prades n'ait une attitude irréprochable avec lui. Quand même, cela fait sourire un peu. Il lui a porté son veston pendant toute la promenade de jeudi. M. de Prades devait être nommé à Rome dans un emploi qui tient du brillant et du solide. Il aurait refusé pour ne pas quitter le collège. Dieu sait pourtant que l'humilité n'est pas son fort. Vous avez remarqué avec quelle condescendance il traite les professeurs. Et vous connaissez son mot atroce. Les professeurs nous sont une occasion de charité. Les surveillants n'en parlons pas. Je crois qu'il ne fait aucune différence entre nous et les garçons de salle. Nous reparlerons de cela une autre fois. Je donne maintenant une répétition de latin à Monet et à Pierrat. Vous ne rentrez pas en études ? Henriet regarde par la fenêtre. Voilà Sevray qui vient à l'Arcère. Il boit un coup à la fontaine. Il sort de sa répétition d'Andromaque. Nous rentrerons ensemble dans 10 minutes. Avec les répétitions, tout est permis. Pour 8 jours encore. Sevray entre. Il paraît que vous ne rentrez pas tout de suite en études. Ce n'est pas moi qui fais l'étude ce soir, débrouillez-vous donc. Mais j'ai hâte que cette séance ait eu lieu. Il n'y a plus de discipline possible avec ces allées venues à cause des répétitions. Monsieur Haber se retire. Reste en scène Sevray et Henriet. Alors, compliment ? Le coup de la confiance ? Une politique profonde ? De quoi parles-tu ? Toi et de Prats ? Mais aucune politique. Je n'ai pas voulu contrecarrer l'influence de l'abbé de Prats sur Soubrier, c'est tout. Enfin, vous voilà tous deux avec l'estampille du gouvernement. Parfait. Mais est-ce que tu ne crois pas que ça va faire crier ? Ce que je sais, c'est que quand j'ai décidé avec Soubrier qu'on allait changer de genre, il m'a dit « si tous les autres pouvaient en faire autant ». Oui, c'est Soubrier le cancre, Soubrier le gangster qui a souhaité le premier que ce que nous faisions d'un peu bien fût fait par tous. Moi, je n'y avais pas pensé. Et je compte bien que tu nous mettras des nôtres. En quoi ? En désavouant publiquement, dans une lettre que tu m'adresserais, par exemple, l'atmosphère d'excitation sentimentale dans laquelle nous faisons vivre certaines petites personnes. On en reparlera. Amollir de pauvres gosses qui sont en plein dans le désarroi d'adolescence, c'est pas trop facile. Tandis que ce n'est pas facile de les fortifier, de les rendre meilleurs. Bravo, bravo. Il faudra pourtant que tu y viennes si tu veux que nous restions amis. Alors, tu l'aimes vraiment, ce gosse-là ? Mais on dirait que ça ne te paraît pas croyable. Alors, toi aussi contre lui ? tous contre lui, mais moi avec lui, toujours, et quoi qu'il arrive. Oh, c'était une simple question. Eh bien, voici ma réponse. J'ai été attiré vers lui du premier jour qu'il est apparu à l'école Montcornet. Et puis, je suis resté 6 mois sans oser presque lui adresser la parole. Ensuite, nous sommes devenus amis. Mais c'est maintenant qu'il va savoir comme je l'aime. S'il savait à quel point je l'aime, il ne comprendrait pas. S'il comprenait, il serait effrayé. C'est tout à fait Andromaque. Que ne peut l'amitié conduite par l'amour? Tu n'y entends rien. Ça n'a rien à voir avec l'amour. J'ai un mépris ardent pour l'amour. Quand je répète et que je dis toute cette tirade de Pyrrhus, ça me paraît tellement mièvre, tellement fou, tellement mort auprès de ce que je sens en moi. Le théâtre classique n'est bien que dans la litote. La litote, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quand on dit moins que ce qui est. Quand Suréna et Eurydice se sont quittés en s'aimant du fond de leur cœur, mais Eurydice dit seulement « Notre adieu ne fut point un adieu d'ennemi. » Moi, avec Soubrier, c'est toujours la litote. Enfin, tu l'aimes plus que ta mère. Lui, il a toujours été net avec moi. Est-ce que tu as tenu ta mère au courant? À moitié. Tu me rappelles de ma vielle quand je lui ai demandé s'il disait tout en confession. Il m'a répondu, je dis tout, mais pas les détails. Alors, ta mère supporte Soubrier? Elle le supporte pour que je la supporte. Je pige pas. Je ne pouvais m'empêcher de prononcer le nom de Soubrier. C'était plus fort que moi. Et comme je rougissais en le prononçant, il s'est mis à me picoter. D'ailleurs, sur le ton gentil, de sorte que je me suis découvert un peu. Un jour, elle s'est écriée qu'elle savait tout. Elle voulait me faire voir qu'elle est fine, mais elle me faisait voir qu'elle n'est pas fine, car tout de suite, je me suis refermé. C'était pas ce qu'elle voulait. Elle a fouillé dans mon cartonnier, en forçant la serrure. N'a rien trouvé. Moi, tu le devines, toujours de plus en plus fermé. Alors volte-face. Elle s'est mise à me parler de lui, gentiment, et moi, je me suis rouvert. Nous parlons de lui presque tous les jours. Avant tout, maintenant, ma mère veut garder ma confiance et que je reste gai et ouvert avec elle. Elle pense que le meilleur moyen d'y parvenir est de traiter Soubrier comme si de rien n'était. Elle l'a appelé ton petit copain. Je n'aime pas quand elle l'appelle comme ça. Ma mère n'a pas le ton. C'est difficile de trouver le ton quand on est parent. Il y a 8 jours, elle a demandé à voir mes photos de lui. Et elle soupirait en les regardant, dire que je n'aurais plus jamais un petit garçon comme cela à câliner. Et quelle fraîcheur. Ah, il n'a pas besoin de fond de teint, celui-là. Par lui, elle demeure dans ma vie. Par lui, elle me conserve. Et elle sacrifierait tout à cela. Elle est comme Agrippine avec Néron. Et du même coup, elle te rapproche de lui. Ah, ça, c'est costaud. Une mère, c'est la langue d'Ésope. Le meilleur et le pire. Mais cette fois, je voulais être en paix avec tous autant qu'avec moi-même. De sorte que je lui ai appris hier soir notre changement de voix et qu'à présent, on marchait d'accord avec De Prats. Elle était émue. Quand j'ai eu fini, elle m'a dit « Alors embrasse-moi. » Vous serez quelques jours, madame, pour un fils jusqu'où va notre amour. Et pas de commentaire? Si. Que De Prats allait me tirer dans les jambes et que Soubrier allait me laisser tomber. À part ça, félicitations et encouragements. Oui. Est-ce que la tâche de l'amitié pure ne sera pas trop lourde pour lui? Il faudrait le convaincre que dans ce genre d'épreuve, c'est la durée qui est tout. Je l'en convaincrai bien à force de l'aimer. Tu as dit à ta mère que De Prats chouchoutait Soubrier? Non, bien sûr. J'ai glissé là-dessus. N'empêche que... Que? Il m'a dit que De Prats était jaloux de moi. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Que c'était bien là des idées de femme. Où est-ce qu'elle se croyait? Il est aussi étonné que je ne sois pas jaloux de lui. Elle prétend que c'est anormal. Quand je lui dis que je ne peux pas être jaloux de quelqu'un qui fait du bien à Soubrier, il ne comprend pas. Ma mère voudrait que Soubrier vienne goûter à la maison. Mais moi, je ne veux pas. Ne mêlons pas les ordres. Comme dit De Prats. J'ai parlé à ma mère de notre nouvelle vie parce que je ressentais le besoin d'être appuyé par tout le monde. Et comme ça, ça suffit. Avec les parents, c'est malheureux à dire, il ne faut jamais être tout à fait franc du collier. Tu ne rentres pas en études ? Et toi ? Il faut que je fasse les comptes du chocolat. À vendre ça dans la bousculade de la récré, tous les jours, je m'y perds quand je rends la monnaie. J'y suis de ma poche. Je t'attends, tu n'as pas pour longtemps. Si. Parce que ça me trouble quand on me regarde pendant que je fais des calculs. Bon, je te quitte. Tout à l'heure. Oui, oui. Au revoir. Sevrais pousse Henri dehors et ferme la porte. Il va à la fenêtre et sans se montrer trop, regarde au dehors, puis consulte sa montre, puis tapote légèrement la vitre et court ouvrir la porte. Soubrier entre. J'avais peur de te faire attendre. Tu m'aurais bien attendu. Jusqu'à quelle heure tu m'aurais attendu? Jusqu'à moins 5, au-delà ça aurait paru louche. Il paraît que Deprat s'est parlé de nous hier à la causerie. Oui. Il aurait mieux fait de se taire. Pourquoi? La réaction des types n'a pas été bonne? Non. Ils se sont fichus de toi? De toi aussi. Ils disaient, ils veulent nous épater, nous faire la leçon, ils crânent. Pourtant, Delorme m'a dit, ils sont heureux, ils s'aiment ces deux-là. Mais Simonon nous a traités d'hypocrites. Je me suis jeté sur lui. Tu aurais vu ce coup de judo que je lui ai fait. Soubrier s'assoit sur une des caisses et mange une sucrerie plantée sur un bâtonnet. Et moi, pendant ce temps, la petite phrase que tu m'as dit hier germait en moi. Si tous les autres pouvaient en faire autant. J'ai rêvé que tous les autres, quand une amitié dans le genre de celle que nous avions, la transforme comme nous avons transformé la nôtre. Que les grands ne soient plus égoïstes. Qu'ils ne vont plus avec les petits comme avec des poupées. Qu'ils cherchent vraiment à leur faire du bien. Quelque chose qui soit toujours de plus en plus désintéressé. Soubrier baisse un de ses pas. C'est mon élastoche qui me sert. Il faudrait les prendre d'abord par le snobisme. Leur dire que les gosses, c'est vieux jeu. Il faudrait que ceux qui continuent le genre se sentent l'exception. J'avais même pensé... Si Deprat parlait à Deville de sa liaison avec Mainville comme il m'a parlé de toi, pour voir si Deville lui aussi ne serait pas touché, je pourrais le lui suggérer. Je serais ainsi avec toi, à l'origine d'une grande réforme dans les deux divisions. Plus tard, on dirait, il a fait un bien épatant au collège. Au fond, le collège t'occupe plus que moi. Idiot! Mais c'est vrai. Même si tu n'y étais pas, je ne pourrais pas me passer du collège. Je l'aimais avant d'y être entré. Si tu savais combien de fois j'ai dû me débattre, tout ce que j'ai pu inventer pour que ma mère ne m'en retire pas, et mon horreur des grandes vacances qui approchent, et ma nostalgie des Pâques, d'octobre et de la chère rentrée avec les feuilles mortes et la pluie. Toute ma vie tient ici. C'est le collège qui est ma raison d'être. Quand tu penses déjà à ce qu'on dira de toi plus tard pour le bien que tu auras fait au collège, tu crois pas que c'est de l'orgueil? Oh, toujours vous tous à douter de moi! De Prat, sans rien, même toi! Soubrier tend sa sucrerie à Sevrais, qui la prend et la finira. Tu peux la finir, ça me fait mal au cœur. Toi aussi, tu doutes de moi, tu l'as dit à De Prat. Moi? De Prat m'a parlé hier soir après dîner. Pendant 1 h 10 min, tu te rends compte? Il paraît que tu lui as dit qu'au bout de 8 jours, j'en aurai assez de notre vie nouvelle. J'ai dit. J'espère qu'il n'en aura pas assez après 8 jours. Espérer et croire, ce n'est pas la même chose. De Prat aurait pu ne pas te le répéter, et surtout en le déformant. Déjà, je barbouille toujours un peu quand je te parle. S'il faut encore qu'on se soit déformé quand on le répète. Oui, je ne sais pas te parler quand on est ensemble. Mais si tu savais tout ce que je te raconte quand tu n'es pas là. De Prat t'a dit autre chose sur moi? Oui, mais De Prat ne te connaît pas. Ce qui veut dire qu'il pense du mal de moi. Quand j'entends dire du mal de toi, je ne crois jamais. Donc, il dit du mal de moi. Pas précisément, mais il est pas très chaud. Alors, pourquoi favorise-t-il une relation? Il y a là quelque chose qui m'échappe. Il paraît que d'abord, tu lui as offert de rompre avec moi. Ça, tu me l'avais pas dit. Et s'il t'avait pris au mot, en quoi est-ce que ça aurait consisté? À ce que tu passes sur l'autre trottoir quand tu m'aurais rencontré? Ah, ça! Ça t'aurait fait quelque chose? Pas toi? En vous lui offrir ça, j'étais sincère. Et s'il avait accepté, je me demande ce que j'aurais fait. Enfin, il m'a demandé si je t'aimais. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit, les autres, ils font comme ils veulent. Nous, c'est à la mort, à la vie. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Que à la mort, à la vie n'était pas français. C'est drôle. Qu'est-ce qui est drôle? Je n'imagine pas cette conversation. En tout cas, tu as bien fait. Parce que à moi aussi, il avait déjà laissé entendre que tu avais peut-être pour moi une certaine amitié, sans plus. Ce qu'il faut désormais, c'est que tu fasses tes efforts. Si tu continues à te laisser aller, maintenant qu'on sait que je m'occupe de toi, de quoi est-ce que j'aurai l'air? Ça, pour le coup, c'est bien la vanité. Oh, encore. Eh bien, mettons que j'y mette un petit peu de vanité. C'est pas défendu. Non, vas-y, je t'ai pris comme tu es. Le ciel a dû s'assombrir au dehors, car une pénombre s'est faite dans la cabane. Soubrier va regarder à la fenêtre. La semaine prochaine, il faut que j'ai 16 de conduite. Oh non, 16, c'est trop. 14 ou 15. De Prats m'a dit que ça n'allait pas. Il est très gentil, mais il vous fait chialer. Il vous fait chialer et ensuite il vous console. Mais en vous consolant, il vous fait chialer encore. Lui, il sait vous prendre. Tu pleures aussi avec tes parents? Oh, avec eux, je fais semblant. Ce qui fait noir dehors. Regarde, les fenêtres s'allument dans le dortoir des petits. Il va y avoir un de ces orages. Si ça doit être ce temps-là pendant les vacances de Pâques. À propos, De Prats veut m'emmener 8 jours dans une maison qu'il a à la campagne où il va pendant les vacances. Pour m'isoler. T'isoler de qui? De moi? Ou de mes parents, je suppose. Il ne m'avait pas dit ça. Je le sais que ce serait bon pour moi. Oui, mais 12 heures de sermon par jour. Je lui ai dit que ma mère préférerait sans doute que je reste parce qu'elle est malade. Quand même, il t'aime ruinement, cet homme-là. Oh oui. J'aurais dû faire plus d'efforts. Si tu ne les fais pas pour moi, fais-les pour lui. Et puis tu devrais y aller à sa maison. Tu dis que ce serait bon pour toi. Tout ce qui est bon pour toi est bon en soi. Avant, je pensais, pourvu qu'il soit heureux, c'est tout ce qu'il faut. Il n'était guère de matin où, en me réveillant, je ne me dise « Aujourd'hui, comment est-ce que je pourrais lui faire plaisir ou lui rendre service ?» À présent, je voudrais davantage. Je voudrais si passionnément, à présent, que tu deviennes quelqu'un de tout à fait bien. Sais-tu, c'est la même phrase, juste la même que me disait ma mère il y a quelques jours. Que tu luttes contre tout ce qu'il y a en toi qui tend vers la légèreté, vers la grossièreté, vers la facilité, vers la veulerie. Que tu fasses les choses un peu consciencieusement. Tu sais bien ce que ça veut dire, consciencieusement? Ça veut dire gentiment. Oui, à peu près. Que tu sois un peu moins paresseux. Dans ton travail, en quelle matière est-ce que tu es mauvais? Un peu en tout. Pourtant, De Prats dit que si tu voulais... En somme, es-tu vraiment paresseux, oui ou non? Oh oui, je suis un enfant difficile. Je cause beaucoup de soucis à mes parents. Mais je me demande si on n'exige pas trop de toi. Non, ça je t'assure, je suis insupportable. C'est bien simple, on peut pas me faire obéir. Avec mon examen trimestriel, le bac dans 3 mois, les répétitions de la pièce, je travaille dur ces temps-ci. J'éteins tous les soirs à minuit passé. Quelquefois, je m'arrête exprès. 5 minutes, 10 minutes, pour penser à toi. Et ces instants où je pense à toi sont les seuls bons de ma vie. Mais hier soir, je m'en suis donné. J'ai tant pensé à tout ça hier soir dans mon lit que je me suis endormi en laissant l'électricité allumée. Ce matin, ma mère m'a engueulé. Ce que c'est assommant, les parents, ça peut jamais être comme tout le monde. Je dis ça, mais j'aime pas quand De Prats dit du mal des miens. Ça me choque. Un jour, mon père avait fait je sais plus quoi, et De Prats m'a dit « Un homme intelligent ne fait pas ça ». Si je l'avais répété à mon père, il aurait été se plaindre au supérieur, il aurait eu raison. Mais je veux pas cafarder De Prats. J'ai une dette envers lui. Ton père te donne ce qu'il peut. Et de Prasso aussi te donne ce qu'il peut. Moi, quel malheur que je ne sois pas ton frère. Oh non, alors. Pourquoi? Parce que je serais obligé de te mentir. Moi, même si tu me mentais, ça me serait égal. Mentir à mon père, c'est régulier. Mais mentir à toi ou à de Prats, non. Et puis, c'est vrai. Si j'étais ton frère, j'en ferais moins pour toi. Oui. Tu en fais beaucoup pour moi. Est-ce que tu mourrais pour moi? Tiens, si je me noyais. Je me jetterais sûrement à l'eau. Mais pas pendant la digestion. Et toi? Par exemple, si je tombais dans un précipice. Ça dépend, un précipice de combien? Si c'était un précipice de 200 mètres, je descendrais pas, évidemment. Mais si c'était un petit précipice, oui. Alors, puisque nous en sommes venus sans crier gare aux promesses d'assistance mutuelle, et puisque tu as dit à De Prast que c'était à la mort, à la vie, nous pourrions peut-être faire le mêlement des sangs. Tu as dû en entendre parler. Je sais que Mainviel et Deville l'ont fait il y a 4 ans. Deville avait 10 ans. Latreille et Béchaud l'ont fait aussi. Mais c'est la règle qu'on n'en parle pas. Jamie et Constantin, eux, ont juré pour 2 ans. Si je ne te l'ai pas proposé plus tôt... C'est parce que t'étais pas assez sûr de moi. Non, c'est parce qu'il me semblait qu'entre nous deux, il n'y avait pas besoin de serment. Qu'il serait trop. Mais aujourd'hui, qu'avec ton aide, je me suis relevé... Nous ne faisons pas seulement le serment de rester amis, quoi qu'il arrive. Même plus tard, même si les circonstances nous ont séparés un long temps. Nous faisons le serment que notre amitié ne changera jamais de nature. Tu es d'accord? Oui. Et moi, je fais aussi le serment que jamais dans mes relations avec toi, je ne chercherai mon intérêt. Seulement le tien. Domine non nobis. C'était la devise des Templiers. Et moi, ce que je veux, c'est que jamais il ne te vienne une déception à cause de moi. Une peine peut-être, mais pas une déception. Je me demande si on le fait aussi pour le passé. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu as du remords du passé? Non, pas avec un type que j'aime. Et toi? Moi aussi, un peu. Il faut bien. Allez, on le fait aussi pour le passé. Sevrais tire son canif. Remonte un peu une des manches du chandail de Soubrier. Et le pique à la face supérieure du poignet. Puis il se pique lui-même au gras de la main. Et applique sa blessure sur celle de Soubrier. Soubrier se bande le poignet avec son mouchoir. Ça t'a fait mal? Non, pas du tout. Si, ça t'a fait mal. Un peu. Tant mieux. Tu te souviendras. Ceci est le 8e sacrement. Mais il ne faut jamais en parler à personne. Et si je te faisais une grande estafilade comme ça, par plaisir, qu'est-ce que tu dirais? Je te pardonnerai. Si je le fais! Fais-le pour que je puisse te pardonner. Du dehors, on frappe à la vitre. Qui est là? C'est le charpentier. André Sevrais, je fais les comptes du chocolat. Je suis chocolatier. Immobile, les deux garçons attendent que les pas à l'extérieur se soient éloignés. Je crois qu'il vaudrait mieux que je file. Je me sens pas en sécurité ici. Que veux-tu qu'il arrive? Mettons qu'on nous trouve, on ne nous a pas défendu de nous voir à l'écart, puisque le prince nous a laissé seul dans son bureau. C'était pas la même chose. Non, je t'assure, je vais me filer. Quand est-ce que je te revois, puisque t'es collé dimanche? Tu peux pas venir m'attendre à la fin de la colle à midi? Puisqu'il le faut, je m'arrangerai. Oh, toujours si proche et inaccessible. Je ne te vois jamais que de loin, dans ta cour, ou au passage dans un couloir. Je ne te vois jamais vivre, moi qui aime tant ta vie. Et on veut que j'aie de l'influence sur toi, en étant si exclu de toi. Je ne peux plus continuer comme ça. Si c'est pour se voir une fois tous les 15 jours, alors mieux vaut qu'on se lâche. Te voir, même si pendant ce temps la conversation languit, même si tu es désagréable. Mais te voir, il n'y a qu'un mal, c'est l'absence. Au revoir, mon vieux. Je ne reste pas ici. À dimanche, alors, midi. Allez, au revoir. Au revoir. Surtout, sois gentil avec Debrat. Soubrier se glisse dehors. Il rouvre la porte, se jette affolé à l'intérieur de l'arsère. Debrat, je suis sûr qu'il vient ici. Le charpentier a dû l'alerter. Soubrier va fermer la porte à clé. Puis court se blottir dans un des coins de l'arsère. Quel métier! Eh bien, il n'y a qu'à l'attendre. Faut pas se cacher, on aurait l'air de faire quelque chose de mal. Soubrier se pelotonne dans le recoin, étalant sur soi les boucliers pour se dissimuler. Soubrier, sors de là, tu es idiot! Ouvrez! Qui est là? L'abbé de Prat. Sevrais va ouvrir. Il a un mouvement de surprise en s'apercevant que la porte a été fermée à clé. Qu'est-ce que vous faites là? Je fais les comptes du chocolat, je suis chocolatier. Vous faites les comptes du chocolat pendant une heure d'étude? J'ai profité de ce que je revenais d'une répétition d'Andromaque pour entrer un instant ici. C'est étrange. Pourquoi vous êtes-vous enfermé à clé? Je me suis aperçu qu'il manquait 200 francs dans la caisse du chocolat et je suis venu refaire le compte pour savoir si je dois demander 200 francs chez moi. J'ai fermé à clé parce que je ne voulais pas être dérangé dans mes comptes. La baie allume l'électricité. Une ampoule de plafond d'une intensité faible qui n'éclaire que le côté fenêtre de la pièce. Il jette un regard circulaire, soupçonné dans la cabane. Puis se retire. Pourquoi as-tu fermé à clé? Pourquoi t'es-tu caché? Tu m'as forcé à mentir. Maintenant, tout ça n'a pas l'air clair. Pourquoi est-ce que tu as peur comme ça? N'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est toi qui me fais peur avec ta peur, ce n'est pas lui. Sais-tu ce que je vais faire? Je vais aller à son bureau et tout lui dire. Non, non, nous ne nous reverrons plus maintenant, c'est fini. Tu es fou? Non, plus jamais nous ne nous reverrons maintenant, c'est fini. Soubrier, mais tu es fou! Des pas au dehors. Soubrier se rejette derrière les boucliers. Enfin, c'est inadmissible! Qu'est-ce que vous fabriquez ici à cette heure? Il pénètre plus avant, aperçoit Soubrier. Ah, c'est cela. Ainsi donc, pendant qu'on vous convie à une sorte de direction de ce gamin, voilà ce que vous faisiez. Petit voyou que vous êtes! Et vous vous prétendiez son ami. Qu'est-ce que je faisais? Je n'ai rien fait qui soit contraire à ce que j'ai promis. Oh non, c'était pour attraper des mouches que vous vous enfermiez à clé avec lui. Voilà le résultat de la confiance qu'on a eue en vous. En étude, il avait sa tête des jours où il va faire une bêtise. Avachi sur son pupitre, les doigts dans ses cheveux mal peignés, le regard ailleurs, et respirant par tous les pores le désordre de son âme et l'avidité de se défendre de nous à tout prix. Je m'échinais à lui faire son devoir d'allemand, pauvre niais que j'étais. Mais lui, il ne vivait que pour venir vous retrouver. C'est hier, dans votre bureau même, que je lui ai donné rendez-vous ici. Je voulais lui dire ce que serait notre vie nouvelle. Vous souhaitez que j'aie de l'influence sur lui? Comment? Où? Quand? Puisqu'il est pensionné et que moi je suis externe. On ne peut se voir que le dimanche matin, et un dimanche sur deux, il est collé. On me dit allez-y, et puis on me barre. Alors c'était plus possible. Je ne lui ai dit que des choses bonnes. Un instant avant que vous reveniez, j'étais sur le point d'aller vous avouer que c'était lui qui était ici avec moi. Allons, ne vous défendez pas. Vous avez la réputation d'être intelligent et votre défense est celle d'un imbécile. Vos choses bonnes et tout le reste. S'il n'y avait pas un attrait de lui à vous, cette amitié serait-elle même concevable? Vous voulez le voir, mais vous n'avez rien à vous dire. Non, croyez-vous que j'ai été dupe de tout cela? Retournez à votre étude. Cette histoire n'est pas finie. Quoi qu'il arrive, je prends toutes les responsabilités. Non, je pense bien. Il manquerait plus que ça que vous ne preniez pas les responsabilités. Et je vous prie, pas un mot à votre mère avant que nous ayons décidé quelle sera la version officielle de tout ceci. Comme Sevrais va pour sortir, Soubrier au passage lui tend la main. Il se serre la main. Sevrais se dirige de nouveau vers la porte. Soubrier fait un pas vers lui et lui tend de nouveau la main. Donne-moi la main encore une fois. Eh bien, mon petit Serge, je pense que cet incident aura au moins un bon résultat. Il a fait place nette. Je pense qu'il y a au moins une personne qui ne me gênera plus dans ce que je veux faire pour vous. Car il faut absolument que je vous reprenne en main. Cette vilaine histoire ne mente que trop comme vous demeurez faible. Vous m'avez dit que votre mère refuserait sans doute que vous veniez chez moi à la campagne pendant la seconde semaine des vacances de Pâques. C'est à vous, cependant, à l'y décider. Il y a là une sorte de cure morale dont nous savons mieux encore maintenant à quel point elle vous est nécessaire. Je pense que vous vous rendez bien compte qu'une fois de plus, c'est moi le maître de votre sort. Maître de votre sort comme je suis maître de vos larmes. Sans doute, il l'a reconnu lui-même, ce vrai, à toute la responsabilité. Il est le grand, il vous a entraîné. Il m'a menti. Mais enfin, Sevrais est un élève brillant et auquel jusqu'à ce jour on n'a rien eu de précis à reprocher. Tandis que vous, vous êtes en sursis de renvoi depuis un an. Je vous ai déjà évité deux fois le renvoi. Je peux le faire une troisième. Mais il faut que vous m'y aidiez un peu par votre bonne volonté. Convainquez donc votre mère. Je vous le demande. Oui, monsieur l'abbé. Vous verrez que vous ne vous ennuierez pas à ma campagne. Ma vieille maman vous aimera tout de suite beaucoup, j'en suis sûr. Il y a la rivière, nous irons canoter. Alors, n'est-ce pas? Convainquez vos parents. C'est promis. Oui, monsieur l'abbé. Le rideau tombe. Acte 3. Même décor qu'au premier acte, le cabinet de M. l'abbé de Prats. Le lendemain. Sevrais est assis auprès du bureau, feuilletant distraitement une revue. Puis une autre. La porte est entrouverte. Quelqu'un la pousse légèrement du dehors. Puis passe la tête. C'est Henriet. Il entre et reste sur le seuil. Ah, c'est toi? Oui. J'attends de Prats. Ça a bardé hier soir. Un peu. J'ai revu tout seul chez moi toute ma scène du 3 d'Andromaque. Et je crois que je suis maintenant dans le mouvement. Je suis sûr que je serai bien meilleur à la répète de demain. Tiens, on entend la scola d'ici. Que se passe-t-il? La scola répète dans le petit parloir à cause des travaux pour la séance. Eh bien, je m'en vais. Tu avais à parler à De Prats? Oh, un mot seulement pour les commissaires de la séance. Tu peux l'attendre ici? Si tu n'en as pas pour longtemps, tu lui parleras avant moi. Non, je m'en vais, j'ai affaire. Mais vous êtes tous aimables aujourd'hui. Demain, Vielle ne me tend pas la main. Toi, de toute la classe et la récré, tu ne me dis pas un mot. Et les autres m'ignorent. Pour rentrer en classe, on s'est écarté de moi comme si j'avais la lèpre. 2 mètres de vide entre tes types et moi. Ça me rappelait Tacite. Tu sais, ces gens, quand il est disgracié par Tibère, ces gens aussitôt se trouvent seuls et frémissants dans ce désert soudain qui s'était fait autour de lui. Tout ça parce que j'ai eu une petite histoire. Une historiette. Comme s'ils n'en avaient pas, eux, des histoires. Mais moi, c'est la première que j'ai ici depuis un an, c'est pour ça qu'on la remarque. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que ce sont ceux qui sont les pires dans ce genre de choses qui me font le plus la tête. Mon vieux, ce sont de beaux salauds, les copains. C'est seulement à cause de l'estampille officielle. Quand on a l'estampille officielle, il ne faut pas se repincer. C'est ça qui a choqué les types. Tu rabaisses tout avec la vulgarité de tes expressions. Nous ne nous sommes pas fait pincer. Eh bien, qu'est-ce qu'il te faut? De Prats, tout chaud de l'historiette, on a parlé hier soir à la causerie devant sa division. Il paraît qu'il t'a chargé horriblement, a mis toute la faute sur toi. Je vais avoir au moins une journée entière de colle. Entrez. Monsieur Habert entre. Henriet se retire. Justement, je vous cherchais, c'est vrai. J'attends monsieur l'abbé de Prat. J'avais à vous parler. Vous comptez rentrer en études quand vous aurez fini avec monsieur de Prat? Oui, bien entendu. Je crois qu'il serait préférable que vous ne retourniez pas en études. Mais pourquoi? Vous ne comprenez pas? Vous savez bien pourtant quelle est votre situation. Personne ne vous a averti? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Écoutez, c'est vrai. Vous ne faites plus partie du collège. Comment? Je pensais que vous le saviez. Monsieur le supérieur vous a convoqué pour demain matin à 9h. Il veut causer très franchement avec vous avant d'écrire à votre mère. Mais il a jugé préférable que vous ne retourniez pas en études à partir de maintenant. Je suis donc chargé de vous remettre les affaires qui sont dans votre pupitre. Vous pourrez ensuite rentrer chez vous. Puisque vous allez être sans doute pour un moment avec monsieur de Prat, je vous les apporterai ici. Et mon examen trimestriel que vous devez finir demain? Il va de soi que votre examen est interrompu. Et annulé. Alors, je suis chassé. Chassé sur le champ comme un domestique qui a volé une montre. On ne me donne même pas mes 8 jours. On ne peut pas supporter ma présence une heure de plus avec Sally le collège. Il n'y en a même pas le courage de me le dire en face, on me le fait dire par un surveillant. Vous êtes tous des lâches! Chassé pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais maintes fois pris en faute pour ceci ou pour cela, mais on m'a toujours laissé faire, on ne m'a jamais puni. Pourquoi cette fois-ci? On m'envoie juste avant Pâques. Je ne serai pas avec mes camarades et avec le collège pendant la plus grande fête de l'année. Le collège continuera de vivre sans moi. Et mon examen pour lequel je m'étais donné tant de mal. Je ne jouerai pas Pyrrhus. Calmez-vous, ne prenez pas au tragique. Et mon bac? Vous me chassez à 3 mois de mon bac. Nouvelle boîte, des nouveaux professeurs, des nouveaux livres au dernier moment. Vous me faites rater mon bac. Vous êtes un brillant élève, vous ne raterez pas votre bac. Un brillant élève, c'est facile à dire. Je vous répète que... Il y a un tas de garçons qui ont été vus à la serre. On ne leur a rien dit. Pourquoi je m'occupais pour les autres? Si c'était moi qui dirigeais ce collège, je vous jure bien qu'il n'y aurait pas d'amitié particulière. Mais vous, vous fermez les yeux, et puis quand il vous plaît, vous les ouvrez. Aussi inquiétant que quiconque, nous savons cependant que vous aimez la vertu. Et je suis convaincu que vous êtes très sincère quand vous méprisez ce qu'il peut y avoir d'indiscipline dans ce collège. Indiscipline dont vous étiez une des causes principales et dont vous avez abusé à l'infini. J'étais d'un côté de la barrière, vous de l'autre. À chacun de se défendre. C'est juste. Abandonné. Rejeté. Ne prenez pas au tragique une petite aventure qui, malgré tout, ne dépasse pas la taille des aventures de collège. Vous sourirez de tout cela quand vous aurez 20 ans. Non. Je n'en sourirai jamais. Quant à vos insultes, je n'ai rien entendu. Allons. Mettons les choses au point. Et avant tout, il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez. Mais qui va peut-être vous étonner un peu, venant après ce que je viens de vous dire. C'est que vous partez d'ici avec l'estime de tous. Si j'ai l'estime de tous, pourquoi me renvoie-t-on? Il y a eu un fait, ne revenons pas sur ce qui a été dit à Larcère. Cette estime sera d'autant plus grande que vous partirez sans récrimination et sans amertume. S'oublier, au moins. On ne le renvoie pas. Pour quel motif le renverrait-on? J'ai longuement parlé de votre affaire avec monsieur le supérieur hier au soir. C'est à peine s'il a été question de s'oublier. Vous avez été l'entraîneur. Et comme vous l'avez bien vu vous-même, le responsable. Il y a eu abus de confiance, et j'ajoute, abus de confiance sur toute la ligne, en songeant à l'usage que vous avez fait de cette clé qui vous était confiée. Lui... Ce n'est qu'une bêtise de plus dans le chapelet interminable de ces bêtises. Et je vais être franc. C'est peut-être maintenant que vous ne serez plus là que nous allons pouvoir faire quelque chose pour lui. Car la preuve est faite, et elle a été faite bien vite, mon cher ami, que malgré votre bonne volonté, vous n'avez pas ce qu'il faut pour rendre service à cet enfant. vous avez entrevu comme une œuvre de direction intellectuelle et morale à exercer sur lui. Mais il est trop jeune, trop faible, trop en surface, et vous trop exclusif et logique et personnel, et faible aussi, il faut bien le dire, et pas si sûr que cela, car enfin, pour qu'il en résulte du bien. Et puis, comment ce qui n'est pas encore formé pourrait-il former quoi que ce soit? Nox nocti indicat scientiam, c'est la nuit qui enseigne à la nuit. La faute n'en est pas à vous, elle en est à vos âges, à vos tempéraments, à vos qualités autant qu'à vos défauts. J'ai cru un moment que l'amitié que vous lui portiez pourrait lui être utile. J'ai souhaité de l'avoir durée plus que vous ne sembliez y compter vous-même. Et c'est pourquoi j'acceptais d'en tolérer, oui, d'en tolérer seulement les manifestations dans ce collège. L'ai-je cru tout de bon? Ma foi, je n'en sais plus rien. Il y a beaucoup de choses ici auxquelles je dois donner l'impression que je crois. Les séances théâtrales, le football, l'académie. Mais enfin, si j'y ai cru, l'épreuve a montré comme je me trompais. Et, dirais-je, devant les piètres résultats obtenus, autant par mon action que par la vôtre, que j'ai, moi, ce qu'il faut. Seulement, moi, je dois essayer encore, c'est mon rôle. Vous allez l'emmener à votre maison de campagne pendant les vacances de Pâques? Ah, il vous en a parlé? Oui, un projet. Bon, ce dont il a besoin, c'est d'une véritable cure, comme les neurasthéniques et les drogués. Une influence qui s'exerce seule sera toujours meilleure, quelles que soient ses faiblesses, qu'une influence doublée d'une autre influence, même si ces deux-ci s'exercent dans un sens unique. C'est pourquoi, je vous le répète, il est bon que vous disparaissiez. Seulement, ce qu'il faut, c'est que vous disparaissiez totalement. Comment cela? Il ne faut plus revoir du tout Soubrier. Quoi? Quand déjà, si je restais 2 jours sans le voir? Mais non, ce n'est pas cela que vous voulez dire. C'est cela. Ne plus le revoir? Pas même en dehors du collège? Non. Ah non! Ça, c'est trop injuste! En dehors du collège, j'ai le droit de faire ce que je veux! Un mot de nous à ses parents et à votre mère aurait raison de ce droit. Vous m'avez mis où vous suis et vous me menacez encore? Si vous restez dignes l'un de l'autre, ne vous interdisez pas l'avenir. Pour vous deux, s'ouvrira une vie nouvelle. Toujours des vies nouvelles. Mais l'avenir auquel je pense ne doit pas être un avenir proche. Il ne faut plus revoir Soubrier jusqu'à ce qu'il soit un homme. Quelque chose de constitué. Et non cette petite chose vague et molle qui résiste sans résister. C'est un tel déchirement. Soyez beau joueur. Beau joueur, est-ce qu'il s'agit d'un jeu? Non, mais ce mot de déchirement appelle qu'on en rabatte. Souvenez-vous de la parole de Talleyrand. Tout ce qui est excessif est sans portée. Oui. J'avais oublié la litote. Vous avez de la générosité. C'est de nos jours ce qu'il y a de plus rare dans cette nation. Donc c'est promis. Avouez-le, la générosité vous attire. Hélas. Je vous parle un langage qu'on ne vous parle jamais en vain. Je vois que vous avez commencé à me connaître. Votre famille d'âme nous est bien connue. C'est promis. Vous êtes courageux. Je ne pense pas qu'il cherche à provoquer une rencontre. Si cependant il s'y laissait aller par bravade, vous éviteriez cette rencontre. Le repousser? Adieu, non, ce n'est pas possible. Et pourtant, il le faut. Alors, oui. Donnez-moi votre main. Les jeunes ont une faculté de renoncement qui est émouvante. Vous trouvez, avouez-le, que j'ai renoncé trop vite et je m'en diminue à vos yeux. Mais non, c'est le contraire. Je l'aime assez pour renoncer à lui. Si je ne l'aimais pas tant, tout aurait été plus facile. Vous n'êtes pas le premier être que je fasse souffrir. Sur cette chaise où vous êtes, j'en ai vu des élèves et des mères, et des pères même, avec vos larmes et votre gorge serrée. Croyez qu'en vous traitant ainsi, je n'obéis à rien qui puisse sentir la jalousie ou la rancune. Je ne vous en ai jamais voulu. Et si je vous en avais voulu, maintenant j'aurais cessé de vous en vouloir. Maintenant je ne connais plus que cette région riche et triste où nous nous comprenons tous deux à demi-mot. Et en définitive, le présent peut nous forcer à voir certains aspects malheureux de cette affaire, mais l'avenir glorifiera l'esprit dont elle fut animée. Je vous demande de croire qu'en tout ceci, je n'ai cherché que le bien de cet enfant. Votre sacrifice sera peut-être le plus solide service que vous lui ayez rendu. Je suis sûr qu'il vous en saura gré. J'ai une dernière chose à vous dire. Hier, à Larcère, vous m'avez donné une explication à laquelle, sur le moment, je n'ai pas cru. Excusez-moi, je suis prêtre, c'est-à-dire que je suis comme les médecins et comme les avocats. Je ne crois jamais qu'on me dit toute la vérité. À présent, j'y crois. Et je vous le dis. Avant-hier, dans cette pièce, quand vous nous avez laissés ensemble et que je lui ai parlé de notre nouvelle ligne de conduite, il m'a dit, puisque tu crois que c'est le mieux, à mon tour, c'est tout ce que je peux vous dire. Si vous croyez que c'est ce qui est le mieux. C'est ce qui est le mieux. Ou plutôt, soyons modestes, c'est ce qui est le moins mal. Je souhaite qu'on puisse dire qu'il est devenu meilleur depuis que je l'ai quitté. Vous lui avez annoncé que vous nous demandiez une rupture totale ? Oui. Il l'a accepté avec le minimum de contrariété nécessaire. Il n'a pas votre ardeur. Mais il a senti la peine que cela vous ferait. Je la lui ai expliquée. Vraiment ? À lui expliquer. A-t-il fallu cela? Pourtant, hier, quand je suis sorti de l'Arcet, comme il m'a tristement tendu la main, comme son petit visage était défait dans l'ombre. Est-ce que je ne peux pas le revoir une dernière fois pour lui dire adieu? Ici, par exemple. J'ai peur que ce ne soit un peu mélodramatique pour une chose... Si simple, n'est-ce pas? Oui, si simple. C'est très bien. Entre M. Hébert, des livres, des dictionnaires pleins les bras. Voici vos livres, Sevrey. Je vous ai apporté aussi votre manteau. Sevrey prend les livres, en laisse tomber. M. Hébert les ramasse... Et les lui rend. De nouveau, Sevrey laisse tomber un dictionnaire. Voulez-vous que je vous emporte une partie jusqu'au hall d'entrée? Oh non. Je vous remercie. Je vous rappelle que vous êtes attendu demain à 9h par monsieur le supérieur. C'est l'heure de la classe. Ainsi, vous ne risquerez pas de rencontrer de vos camarades. On entrouvre la porte. L'abbé de Pratt se voit le visiteur. Ah, monsieur Brial, je vais vous voir un instant. Il s'avance vers lui. Et lui parle sur le pas de la porte. Est-ce que vous voyez maintenant qu'on vous a tendu un piège? Comment cela? On a fait ce qu'il fallait pour vous enferrer. Cela a un nom. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un agent provocateur? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Monsieur de Prades a voulu vous écarter. C'était assez naturel. Je gênais son influence sur un élève dont il s'occupe particulièrement. D'autre part, en donnant un rendez-vous à l'Arcet, j'ai commis une faute contre la discipline pour laquelle il est normal que je sois renvoyé. La raison d'État. L'abbé rentre. Dans le même mouvement, Sevrais sort, sans un mot de plus. Eh bien, ils ont vite abusé, monsieur l'abbé. C'était à craindre. Les enfants abusent toujours. Je dois dire que je viens de trouver Sevrais très compréhensif. Je redoutais un éclat. Comme il est agréable de se trouver devant quelqu'un d'intelligent. Alors les choses s'arrangent toujours. Et surtout d'intelligent à 16 ans. Vous pourrez dire à ses camarades, parce que cela va faire jaser beaucoup, qu'il est parti réconcilié. Oui. Fidèle comme il n'est pas permis de l'être. Seulement, réconcilié ou non, il est parti. Ah, cela, que voulez-vous? Nous avons un fait. Dieu soit loué. Du moins est-il parti bien marqué du sceau de la maison. Vous avez décapité le collège. Ce sont les plus généreux et les plus doués de chaque classe qui donnent dans les amitiés trop sensibles. Ce fait est le même dans toutes nos maisons, je n'y puis rien. Dommage quand même que ce soit lui. Alors qu'il y en a d'autres. Un Mainvielle, par exemple. Vous savez bien que le père de Mainvielle est membre de notre conseil d'administration. Monsieur le supérieur. Je viens de croiser ce malheureux garçon. Et dans un moment assez curieux. Il était tellement embarrassé de ses livres qu'il les avait posés le temps de se reprendre sur un des bancs du hall. Soudain, le petit Thévenot, vous le connaissez, c'est un cinquième, est passé. Et au passage, lui a saisi et serré la main avec un bonjour, c'est vrai, sans s'arrêter, et a disparu. C'est vrai, ne connaissait sûrement pas Thévenot, cela se voyait à son visage, il a eu l'air surpris. Ainsi, il a quitté à jamais cette maison, bousculé par nous, sans un adieu ni à son ami, ni à ses camarades, ni à ses maîtres. Mais il y a ce petit inconnu qui lui a serré la main furtivement, sans raison apparente, sinon peut-être pour que cette sombre rupture ait été éclairée malgré tout d'une lueur de gentillesse humaine. Le bon Dieu inspire souvent les plus jeunes, cela est bien connu. Et c'est à se demander si cet innocent n'a pas été l'instrument d'une charité ou d'une justice supérieure. Allons, toute cette affaire est bien douloureuse. Pauvres enfants, nous aussi nous les ballottons, nous les tiraillons de-ci de-là, nous aussi nous les troublons, pauvres enfants, au fond si désarmés devant nous. Si désarmés? Oui, je répète, si désarmés. Vous dites souvent qu'ils abusent. Mais nous, est-ce que nous ne vivons pas avec eux dans un continuel abus de pouvoir? Pas du tout. Et quant aux troubles que nous leur causerions, eh bien, ils s'entendent à nous le rendre. C'est l'abbé de Saint-Cyran qui disait que la direction des adolescents est une tempête de l'esprit. Le supérieur fait un geste comme pour s'asseoir sur la chaise voisine du bureau de l'abbé. L'abbé lui désigne son fauteuil de bureau. Le supérieur s'y assoit. Et l'abbé s'assoit sur la chaise où se sont trouvés successivement devant lui Soubrier et Sevrais. Sevrais venait de chez vous, je pense. Comment a-t-il soutenu ce coup? Avec une détresse froide qui m'a plu assez. Je le voyais aspiré par la générosité comme par un abîme. Par cette passion qui nous vient si souvent d'agir contre nous-mêmes. Des larmes? Vite dominé. Trop vite. Nous savons que vous aimez les pleurs des gosses, que vous aimez les pleurs des mères, comme il y en a qui aiment les pleurs des amantes. Nous savons que vous êtes passé maître dans l'art d'envenimer les choses. Levez-vous, orage désiré. Notre but est de donner des sentiments délicats à des jeunes gens de l'enseignement secondaire. Cela ne va pas sans d'assez nobles conflits qui sont, tout compte fait, ce qu'il y a de plus important dans cette maison. La terre a été remuée, bouleversée, elle en sera féconde. Que Sevrais ait aimé Soubrier, qu'on le lui ait arraché, qu'il ait eu ce choc avec moi, qu'il ait été mis à la porte, tout cela est excellent pour sa formation. C'est en souffrant de nous et nous faisant souffrir qu'il a senti qui nous sommes. Et c'est cela qui comptera dans ce que lui aura apporté ce collège, et non les quelques notions inutiles qu'ont pu lui fourrer dans la tête ses professeurs, notions dont les trois quarts seront d'ailleurs oubliées 15 jours après son bachot. Cela aurait compté aussi pour lui si on avait fait de lui un chrétien. Même ce qui, chez nous, peut sembler être sur un plan assez bas, est encore 1000 fois au-dessus de ce qui se passe au dehors. Ce qui se passe chez nous, bientôt, n'existera plus nulle part, et déjà n'existe plus que dans quelques lieux privilégiés. Allez, c'est nous qui avons la clé du royaume où les autres n'entreront jamais. Il y aurait beaucoup à dire. Enfin, maintenant que Sevray a cessé de vous porter ombrage, vous ne niez plus ses mérites. J'ai vu Soubrier hier soir après notre entretien. Il m'a dit que c'était lui et non Sevray qui, à Larcère, avait fermé la porte à clé. Que Sevray l'en dissuadait et le traitait d'idiot puisqu'il ne faisait rien de mal. Pourtant, quand vous avez accusé Sevray de s'être enfermé, il ne l'a pas nié. Non. C'est cela. Il a voulu sauver le petit. Il est lamentable que j'aie dû sacrifier ce garçon à cause de votre conduite par deux fois indiscrète. Vous avez donné à tout cela une allure dramatique qu'on devait éviter. J'ai créé des circonstances. N'est-ce pas notre règle? Vous vous y êtes laissé gagner à la main par vous-même. Au début, vous pouviez leur parler à chacun dans le privé. Vous pouviez m'en parler à moi. Mais vous avez cédé à la colère et avez fait un éclat public parce qu'on vous prenait sous briller. Vous avez oublié que nos élèves ont droit à leur réputation. Avec l'histoire de la resserre que l'on pouvait étouffer, vous avez fait un second éclat après lequel il m'était impossible d'éviter le renvoi de Sevray. Du moins, j'aurais souhaité que l'on répondît que c'était sa mère qui le retirait du collège aux vacances de Pâques. Et c'est encore vous qui avez insisté pour que le renvoi fût rendu public. Ce renvoi n'avait de sens que s'il était public, et même un peu spectaculaire. Il fallait un exemple. Vous voulez dire, n'est-ce pas, qu'il y a des duretés qui sont bonnes? On doit parfois tailler dans le vif d'une âme pour sauver cette âme, comme le chirurgien taille dans le corps pour le sauver. Vous-même, en décidant le départ immédiat de Sevray, vous avez agi avec une rigueur que je n'avais pas prévue. Le renvoi étant décidé, j'ai agi ainsi pour couper court aux plaintes et aux commentaires de Sevray à ses camarades. Croyez bien que je vous approuve, monsieur le supérieur. Soubrier n'est pas à la maîtrise? Comment le savez-vous? Je ne distingue pas sa voix dans le cœur des autres voix. Qui est-il? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il est puni? Vous n'avez pas fait exclure de la scola, je pense, à cause de cette histoire d'hier. Mais non! Ce n'est pas possible! Si. Quoi? Soubrier n'est plus des nôtres. Quoi? Mais hier soir, quand nous avons parlé... J'ai pris cette décision ce matin. Monsieur le supérieur, vous ne ferez pas cela. La lettre pour ses parents a été portée à 2 heures. L'expérience à Soubrier a assez duré. Mais elle n'a pas encore débuté. Écoutez-moi. J'ai cru que nous avions intérêt à nous servir de ce vrai qui avait de l'influence sur lui. Il était tentant aussi de donner la tâche la plus délicate à celui-là précisément qui nous inquiétait. J'espérais qu'en lui confiant Soubrier, il se sentirait lié, comme vous avez pensé sans doute que nous l'enchaînerions en le faisant élire de l'Académie. Mais vous étiez aussi content de trouver quelqu'un à qui vous pouviez parler tout à votre aise de Soubrier. Déjà avec moi, à tout propos, hors de propos, son nom vous sortait de la bouche. Fallait-il mentir encore? Dissimuler encore? Eh bien oui, son nom fusait de mon cœur à ma bouche. Toute mon âme. Toute votre âme? Oh, je ne sais plus la phrase que j'avais commencée. Vous la savez fort bien. En tout cas, je vous ferai remarquer, monsieur le supérieur, que ce n'était jamais moi qui prononçais son nom le premier. Ainsi, vous vous appliquiez à ne pas le prononcer le premier? Voilà qui en dit long. Mais maintenant, nous voyons ce qui est résulté de la collaboration de Sevray. Au rebours de ce que j'ai cru un moment, non seulement Sevray ne pouvait rien, mais nous ne pouvions rien tant que Sevray était là. Sans le vouloir, il défaisait de son côté tout le peu que je faisais du mien. Et nous abandonnerions ce petit être à l'instant même où, pour la première fois, les conditions deviennent telles que nous avons quelque chance de le sauver. N'insistez pas, mon cher ami. Vous m'avez donné déjà vos raisons, les deux fois où j'ai été sur le point de renvoyer Soubrier. J'insiste, parce que les conditions ont entièrement changé. Mes raisons sont nouvelles parce que la situation est nouvelle. Je vous demande, de rechef, de ne pas insister. Si, si, j'insiste. Mettons que je demande seulement qu'on sursoie d'un mois à son renvoi. Un mois de Soubrier sans Sevrais, on verra bien. Si on me refuse cela, monsieur le supérieur, c'est contre moi qu'on le fera. Je demande qu'on me donne toute ma chance. Frappez et l'on vous ouvrira. Je frappe. Je frappe et vous allez m'ouvrir. Oui, j'ai ramené 10 fois à la surface ce gamin quand il allait s'engloutir. Et maintenant que l'arrivée est toute proche, il faudrait que je le lâche. Que je le lâche alors que tout est possible encore. L'expérience Soubrier a assez duré. Mais que connaissez-vous de lui? Combien de temps lui avez-vous consacré? Lui avez-vous donné 3 fois 10 minutes depuis 1 an qu'il est avec nous? Je vous en prie, nous avons ici 900 enfants. Moi, quand il serait en enfer, il y aurait encore quelque chose de moi qui lui ferait confiance, désespérément. Je crois à l'être humain, vous entendez? Je crois à l'être humain. Et le mot de l'évangile sur la flamme qui est presque morte et que cependant il est défendu d'éteindre, à qui l'appliquer sinon à lui? Pour sauver un enfant, il suffit quelquefois d'un homme intelligent à son côté. C'est une condition qui est rarement obtenue. Aussi, quand elle l'est, il ne faut pas laisser passer ça. Le péché d'abandon des âmes. J'ai péché contre tous bien des fois dans ma vie. Mais je ne pécherai pas contre celui-là. Monsieur le supérieur, pourquoi le cacher? Je reconnais simplement, et s'il le faut humblement, que le renvoi de cet enfant serait la plus grande douleur de ma vie sacerdotale. Monsieur de Prats, je vous souhaite d'avoir d'autres douleurs que celles-là dans votre vie sacerdotale. Croyez-moi, vous en dites trop. Votre ardeur est trop forte, elle ne peut pas être bonne. Cette sollicitude dévorante. À force de vouloir vous accrocher, je comprends qu'il est nécessaire que je vous demande un autre sacrifice. À la veille de la semaine sainte, faut-il vous rappeler la fécondité d'un amour qui s'immole? Je vous demande de renoncer tout à fait à votre apostolat auprès de ce garçon, au cas où vous envisagiez de le poursuivre après son départ du collège. En quoi ai-je mal agi? Est-ce une punition? C'est une précaution. Une précaution. S'être si sévèrement et continuellement surveillé. N'avoir jamais provoqué chez lui un élan d'abandon, jamais eu un mot ou un geste un peu trop affectueux. Pas une fois ne lui avoir dit « tu », même au fort de ses détresses et de ses larmes. Si, une fois. Vous l'avez tutoyé une fois? Je dormais, je lui ai dit « tu » en rêve. Il y a en vous un feu, mais ce n'est pas celui dont parle Saint Bernard, c'est un feu qui brûle et qui n'éclaire pas. Oh, mon Dieu! Ne l'ai-je donc jamais éclairé? Enfin! Voici enfin ce nom de Dieu qui jamais ne venait à votre bouche. Mais non! Vous n'allez pas me l'enlever quand il est encore en vie! Il n'y a que la mort qui ait le droit de vous enlever ce qu'on aime ainsi. Vous me jugez dur, inhumain, comme sans doute m'a jugé Sevrai. Cela est sans importance. Ce qui importe, c'est que chacun ici fasse son devoir. C'est que vous aussi vous fassiez le vôtre. Et vous le ferez! Mon devoir s'arrête aux portes de cette maison. De quel droit m'interdire le bien que je peux faire en dehors d'elle? Quel est ce mal de moi dont il faut avec tant de force qu'on le garde? Vous n'avez fait attention à lui qu'en juin dernier, quand il a eu sa première histoire. Vous avez commencé à l'aimer quand il a commencé à pécher. J'ai commencé à l'aimer quand je l'ai vu en péril. Que voulez-vous dire d'autre? Votre honnêteté n'est pas en question, mais votre solidité. Si je ne puis avoir de votre bouche l'assurance que vous ne le reverrez pas, demain, quand ses parents viendront, je leur dirai qu'en quittant le collège, il doit rompre non seulement avec tous ses camarades, mais avec tous ses maîtres, et je vous nommerai. S'il le faut, je le ferai envoyer dans un collège de province. Je serai là-dessus inflexible. Évitez-moi cela. Mais croyez en même temps, mon cher ami, que je ressens cruellement cette peine que je vous fais, et que je demande à Dieu de la bénir. Vous avez brisé pour un malentendu ce qu'il y avait de meilleur en moi. Comment n'en aurais-je pas de la peine? Que m'importe maintenant ce qui me reste? Les rites, la pédagogie, ce que je peux mettre d'amour-propre ou de petite ambition dans la voie que j'ai choisie? Il n'y a qu'une chose qui compte en ce monde. L'affection qu'on a pour un être. Ou pas celle qu'il vous porte, celle qu'on a. Avoir une affection, c'est cela qui donne le plus l'idée de ce que doit être le ciel. J'en avais une pour cet enfant. Vous l'avez ruinée. Et en quelque sorte, déshonorée. Elle qui était si propre. Bon, je devrais pouvoir vous le pardonner parce que je sais que vous avez cru bien faire, mais... Mais non, je ne peux pas. Vous me le pardonnerez un jour. Tout juste comme je vous pardonne ce que vous venez de dire contre moi. Et qui donc aimerais-je? Qui donc puis-je aimer? Et lui, qui l'aimera? Que va-t-il devenir désormais? Vous le savez bien pourtant que c'était un pauvre gosse. Que ses parents ce n'est rien ou c'est pis que rien. Il est perdu et je le perds. Votre opinion sur ses parents, vous ne la lui avez pas dite, je pense. Non. Il ne faut jamais pousser un enfant contre ses parents. La partie nous est trop belle. Oui, mais le sien. Au moral, n'en parlons pas. Au matériel, pendant un an, j'ai été son père et sa mère. Lorsqu'il est arrivé ici avec un trousseau, il y avait des chaussettes trouées et des chemises décousues. Qui s'est occupé de les faire repriser? Qui lui donnait parfois quelques sous pour s'acheter du savon ou un peigne quand ses parents n'y avaient pas pensé? Auprès de lui, il y avait moi et Sevrai. On lui retire l'un et l'autre. Sevrai est le seul qui l'ait compris dans cette maison, où depuis un an je n'entends dire de lui que du mal. Ne jamais donner à un enfant l'impression qu'il est classé définitivement comme un mauvais élève, un paria. Ahuri de punition par tous les professeurs, poussé par eux au désespoir, et moi aussi, quelquefois. J'ai dû le punir à l'excès, pour bien montrer à tous que je ne le favorisais pas. J'ai jugé qu'il était chrétien et politique aussi, du point de vue de notre maison, de lui offrir un refuge. C'est parce qu'il était le plus accablé d'entre nos enfants que je l'ai accueilli. Oui, je n'ai pas honte de le dire, comme je n'en ai accueilli aucun autre. J'ai l'évangile pour moi, il me semble. Et la charité pure et simple. Ce dont Soubrier a besoin, c'est de surnaturel authentique. Il faut reconnaître que vous n'étiez pas en mesure de lui en apporter. Si ma religion prête à redire, comment suis-je préfet ici? Comment ne m'a-t-on pas averti davantage? Une heure viendra où je ne vous cacherai plus les tourments que vous me causez. Du moins, lui parliez-vous un peu de Dieu? Je me le demande. Mettons que j'aurais pu lui en parler plus souvent. Si je ne l'ai pas fait, c'est parce qu'il n'est pas destiné à voir plus tard la foi. Et c'est vrai. Croyez-vous que lui, plus tard? Non, c'est vrai non plus. Mais nous avons mêlé la religion à leur passion. Ils se souviendront toujours de leur passion, et la religion restera avec elle. Bon, du moins, une odeur de religion. Une odeur? Comme vous en prenez votre parti. Mon Dieu, est-il possible que je dirige une maison où la foi ne soit pas le fondement de tout ce qu'on fait? L'incroyance y est partout. Vous êtes dupe de la façade. Taisez-vous. Que dois-je faire? Mais non, est-ce qu'on chante comme cela quand on ne croit pas? Leur voix les révèle. C'est l'artigue qui chante. Et celui-là, justement, parlons-en. Voulez-vous que je vous apprenne tout ce que je sais sur lui? Ah, les beautés de transparence et les voix séraphiques. Plus ils chantent de façon bouleversante, plus leur esprit est corrompu et leur vie privée est impossible. Ce n'est pas vrai, vous inventez. Vous dites n'importe quoi, vous ne pensez pas ce que vous dites. L'incroyance, non seulement chez les élèves, mais chez les professeurs. Arrêtez! Je sais ce qui vous pousse. Ou plutôt, je le sais, moi aussi, n'est-ce pas? Il faut que j'aie ma plaie. Finissons-en, monsieur le Prats. Une dernière fois, acceptez-vous le sacrifice que je juge nécessaire pour vous? Toujours le sacrifice. Toujours croire qu'il n'y a générosité que là où il y a sacrifice. Nous avons été élevés là-dedans, nous y élevons les autres. Et pourtant, si d'aventure... Je vous interdis de continuer. Votre ministère vous oblige à demander bien des sacrifices. Vous devriez tenir pour une grâce d'être forcé d'en faire un à votre tour. Et d'ailleurs, si vous ne concevez pas le sacerdoce comme un absolu et perpétuel sacrifice, vous vous êtes trompé en venant parmi nous. Allons, je vous ai posé une question, répondez-y. J'accepte ce sacrifice. Mais qu'est-ce que cela prouve qu'on accepte? Peu de choses, en effet, si l'on n'accepte pas avec une totale adhésion. J'accepte. Que vous faut-il de plus? Je ne reverrai jamais Serge Soubrier. Que vous faut-il de plus? Que me demandez-vous encore? Oh oui, je devine, vous allez me demander de ne pas le revoir, même une dernière fois. Ce serait trop mélodramatique, n'est-ce pas? Comme c'est vrai, et pour les mêmes raisons, Soubrier vient de quitter le collège. Pendant que vous me reteniez ici à me parler? Et comment a-t-il pris cela? Que vous a-t-il dit? Il m'a dit, je pense qu'ici non plus on ne regrettera pas. J'ai laissé un très mauvais souvenir partout où je suis passé. Je lui ai répondu, vous nous laissez un souvenir brûlant. Un mauvais souvenir et un souvenir brûlant, ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous, le souvenir qui vous reste, est celui d'un épisode de votre vie que vous pouvez considérer sans gêne. Par son immolation, vous l'avez entièrement purifié. Non, non, pas de souvenir. J'avais des photos de lui. L'abbé prend dans un tiroir des photos, les déchire, les jette à la corbeille. Autant de perdus pour la souffrance. Je veux que ce garçon n'existe plus pour moi. Oui, je vous en prie, je vous en conjure. Faites-le envoyer dans un collège de province. Que je ne risque jamais de le rencontrer au coin d'une rue. Je vois donc à fond ce qu'est un attachement où Dieu n'est pas. C'est affreux. Non. Ce qui est affreux, selon vous, c'est qu'on refuse de souffrir. Ah, je sais ce qui vous manque. Vous avez du respect pour la pauvreté. Il vous arrive, parce que vous êtes très pur, d'avoir du respect pour le péché. Mais vous n'avez pas de respect pour la faiblesse humaine. Je célébrerai demain la première messe à l'intention de votre faiblesse particulière. Quelle sera la prière qui se formera en moi dans la solitude de l'autel? Je ne le sais encore, mais je crois, mais je suis sûr que Dieu me dictera celle même qu'il aura souhaité d'entendre. Dimanche au prône, je demanderai à nos enfants de prier pour leurs camarades dont nous avons dû nous séparer. Si je le pouvais, je leur demanderais de prier aussi pour vous. Je le demanderai surtout à Sevray. Oh, n'ayez crainte. Je ne le ferai pas. Personne ici, ni élève, ni maître, ne doit soupçonner qu'il y a eu entre nous un dissentiment dans une affaire aussi lourde. Et je devrais demander à nos enfants de prier aussi pour moi. N'ai-je pas à me reprocher de ne vous avoir jamais mis en garde contre cette richesse de votre nature qui vous a porté à une préférence si véhémente. Quant à vous, je vous conseille de fixer votre méditation de ce soir sur ce verset de l'Ecclésiaste, « Malheur à la ville dont le prince est un enfant ». Je pense qu'aux vacances de cet été, une retraite vous sera salutaire. Nous en parlerons. Souvent, ces dernières semaines, quand je veillais un peu tard, dans le grand silence du carême, je voyais votre fenêtre allumée, elle aussi. Elle était la dernière allumée avec la mienne au-dessus du collège endormi. À quoi, à qui, pensiez-vous alors? Il me semble que je le sais à présent. Et moi, à cette heure-là, c'est à vous que je pensais. Nous pensions, vous et moi, à ce qui nous paraissait le plus en danger. Seulement, moi, je priais pour vous d'une prière dont je ne suis pas sûr que vous l'ayez jamais prié pour ce petit. Je priais à ma façon. La tendresse aussi est une prière. Mais vous, avez-vous prié fût-ce une seule fois pour lui? Je n'ai pas, monsieur de Prats, à rendre compte de mes prières. Et cependant, maintenant que vous êtes en règle avec Dieu, avec chacun de nous et avec vous-même, le temps est peut-être venu que je vous dise un mot de moi. J'ai eu, moi aussi, au début de mon sacerdoce, un dévouement trop exigeant pour une âme trop frêle que j'ai fatiguée. On m'ordonna de la confier à d'autres. Cela me parut très dur. Je le fis. 7 ans après, le vieux confesseur qui l'avait reçu étant mort, cette âme trouva tout simple de venir me demander conseil. Les risques avaient disparu, je l'accueillis. Vous retrouverez un jour Serge Soubrier. Il sera trop tard. Trop tard? Que voulez-vous dire? Et n'aurais-je donc connu de vous que des mouvements qui ne sont pas chrétiens? Trop tard. Qu'avez-vous donc aimé? Vous avez aimé une âme, cela est hors de doute. Mais ne l'avez-vous aimé qu'à cause de son enveloppe charnelle qui avait de la gentillesse et de la grâce? Et le savez-vous? Et est-ce cela que vous avouez? Et était-ce cela votre amour? Alors assez parlé de lui. Ça a été une espèce de rêve sans sérieux et sans importance. Bien plus encore que je ne le pensais, comme j'ai eu raison de vous en arracher. Il y a un autre amour, monsieur de Prats, même envers la créature. Quand il atteint un certain degré dans l'absolu, par l'intensité, la pérennité et l'oubli de soi, il est si proche de l'amour de Dieu qu'on dirait alors que la créature n'a été conçue que pour nous faire déboucher sur le Créateur. Je sais pourquoi je peux dire cela. Un tel amour, puisqu'il vous le connaître, et puisse-t-il vous mener à force de s'épanouir jusqu'à ce dernier et prodigieux amour auprès duquel tout le reste n'est rien. Le supérieur se retire lentement jusqu'à la porte. L'abbé de Prats revient vers la table, repousse vivement le prie-dieu qui se trouve sur son passage, tombe assis sur sa chaise, la tête contre ses avant-bras qu'il a posés sur la table. On voit ses épaules secouées par les sanglots. Le supérieur est debout, immobile, contre la porte, et le regarde.